بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وذي طريقة الفائزين الرابحين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غيناو بن سانت يالا جوليت ينتي بي صلى الله عليه واله وسلم نيغي لين دي نوي دي لين زياره دي لين بال حق تي دي نيان بوروم سبحانه وتعالى بوروم جيغل دي لين دوكل تاميت تي بيسي تي ديغا خامن موم لا نيو جوغي تي موي جور ييغا خامنتاني موي جور عيد دي نيان بوروم سبحانه وتعالى ليپ لو خامنتاني داف نانكو تي خيتي جامو يالا mu new mu bari borom subhanahu wa ta'ala fulul ñuko ci anam go xamantene du am fu mu yam te mu nangul ñuko fulul ñuko def dencal ñuko de te biñu ci jariñ aduna ak alakhirah war jentibi sallallahu alaihi wa sallam di ci jariñ mbokk julit ñep ci anam gu feñ ak ci anam gu neub kon xamna inshallah ta'ala tay dañuy yeggale fiñu yamon ci walu resume bi amana tay lay nek xeyna jotay bu muju ci wala inshallah ci buntu hadith bi hein mom dañ koy jéggal tan yi dañ koy bal tan yi comme ci aide lañ nek wala ayep lañu nek dama yakar ndox ni ñu lambal sax mais wa nañ ko jigeul wa amna lu mu lamb ok xana kay dañ ko dul di wax bi bolo rek wa ngay kon xamna inshallah taala fi ka xamante le fofu lañu yemon wala moy ci walu resume hadisi gisoon nañ yakar na ba ci digg masal fiqhi non gisoon nañ sax bi ben masala fi mom mo ci dessal wa kon kon baax inshallah manam bi aju ci yobali wa wa commencé won nuy ko sax me xamna du koy ci wa wa inshallah wa kon yi aju ci woyofal yi nga xamantene dañ koy woyofal ci walu sobe yoy inshallah taala wa yoy moy nga fofu nga xamne mom la ñewon ginnaw bi masala usuli mo ci dess inshallah kon ñu bayyi sunu president mu defal ñu ci inshallah Bismillahirrahmanirrahim. Kon lool momay hadith mi nga xamni ci lañ nekkon diko di jema resume ñu gissoon kon ci jotaay bi nga xamni mom mo wessu ñi ngi nekkon ci masala bi nga xamni mom mo doon dernier masala fiqh bi nekkon lu aju ci sobe yi nga xamni dañ leen woyofal ak lan nga xamni mom moy seen até yakarna gissoon nañu lu aju won ci lu melni rongoñ ak baxata ak gal ak waccu ba tambul won masale bi nga xamni mom moy manam li ñu wax sobe yi nga xamni dañ leen woyofal ak lan moy seen até ñu neewon dafa am dañ ko teunk manam ci ñaari parti bu ñëk bi mom moy sobe yi nga xamni dañ na sobe yu tat la ñu tuddé ko najasatul muhallaza muy manam lu melni ci manam ci shafihi wala hanabilay muy lu melni mbam wala lu melni xaj ñu néwon manam ci hanafi yi nga xamni ñom ñoo gëna rañé ko ci distinction bobu non ñom dañu japp ni sobe bu tar manam najasatul muhallaza moy mbolem sobe yi nga xamni amul wuté ci borom xam xam yi yoy yeb dañu japp ni yoy sobe ci sobe bu tar lay dugg benen parti bi nga xamni mom moy ci sobe mom moy najasatul mukhaffafa ni sobe yi nga xamni dafa am woyofal wa muy sobe yi nga xam dafa am woyfal fofu nonu ku melni borom xam xam ku melni manam hanafiya yi rahimahumullah ñom duggal fa lu melni manam tu ndoxu xale bu jigen wala lu melni waccu gisoon nañ ko ak xantali ci am mais hanafiya ñom duñ ko duggal ci manam ci woyfal wala ma lu melni doomu tal manam sobe bo xamne dañ ko lak lak lak lak bo mu dem ba nek doom waxon nañ tamit ni maliki manam ñom dafa am ki fondement règle usul bo xamni fondement la ci sen mazhab mom moy ni atté bi day top di wërwëlo ak nature mbir mi bu fi manam bu fi nature bi nekké rek atté bi and ak mom bu fi joggé atté bi du fi nekkati ñu né loolu daf leen yobé ci ñom rek ñom ñoy borom xam xam yi nga xamni ñom ño japp ni lek bu fa lox sobé la ndax règle bobu nga xamni mom lañuy top ni mu nek fondement ci sen ci sen ci sen mesal waxon nañ tamit yakarna du aju ci sobe med ni mana jël exemple nen bi ak mew mi ne won nen bi wa ak mew wi manam buy nek nen wala buy nek mew day fekk ni med mi nek bu med ci nen bi ñu newon cookie bi xena mom moy barrière bi nga xam mom mo nek digënté li nga xamni mom moy sobe ak li nek li nga xamni sobe wu wala règle bobu gisoon nañ ko ci yakarna ci biir résumé bi sax mom bimu def jotay bi wessu mi ngi nonu leralon nañ ko ci jotay manam en fait lolu règle la bu am am solo bo xamantene boko xosse ba japp ba tak ko dina am ay question yu bari bari bari yo xamantene daf lay dalay yomb moy lan moy ne mbir mu ne da fay wërwërlo solo manam day changer até su étatum wala naturum changer lolou liko waral nak moy dafa dugg ci ronu ben règle bu mak mom tamit buñu buy wax ni al hukmu yaduru ma illati haythu dara wujudan wa adama manam ak atté day wërwërlo di andak atté di andak cause atté bi fu cause bi mën di jaar su fi cause bi nekké atté bi nekk fi su fi cause bi jugé atté bi jugé fi lolou mom mo indi par exemple tay ndox bu fekkentene ndox mi la ñu ñom manam fuqaha maliki rahmatullah day ñom rek la ñom ño japp lolu ci borom xom fekk yeb moy ne lu meunti lu ci meunti dugg ci sobe du sobe ndox mi tank lan tank tiafka gi wala xet bi wala melo wi amul benn bu ci sobe fi ndox mi so ndox mi da fay latay labalat day rek day dess kon comme li hadith zena abu sa'id al-khudri bi radhiyallahu anhu wax han al ma'u tahuru la yunjisu shay ndox dafa latay labalat dara du ko lan sobel c'est à dire dara du ko sobel ludul lan li nga xamantene mom moy li soppi tiafka bi wala xet bi wala melowe illa intaghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu bi najasatin tahduthu fihi lolu moy riwaya bi ñew ci sunan imam ibn majah rahimahullah lolu gisoon nañ ko kon sobe bi su fekkentene kon ndox mi tiafka bi xet bi wala melo wi dafa soppeku dañuy gis ne ndox mi comme que soppeku na nature wala état ndox mi da fay soppeku atté c'est à dire atté biñ ko doon dox moy ne lab na tay labalat day soppeku jugé ci lab na tay labalat dem ci lan sobe wona mais suma bëggé ndox mom mu labat numay def damay jëlat ndox mu bari bo xamné bobu mom amul dara lu ko dal ma soti ko ci manam ma jaxé met comme tay boudé li la buma ko jëlé soti ko ci panu ndox wala bëri ko ndox mu ci comme par exemple benn goné buy saw bu tour ndox affaire yi rëcc dugg ci biir ñu xol affaire bi am xet gu ci xawa nek ñu xamné xet bi mi ngi ci wala mel non kon sobé wuna mais buma bëggé sobé gi dé dam ko jëla soti ko ci panu ndox wala ci beuri ko ndox legui bu boba da nga xamantene mélanger wuna ba tiafka gi xet gi melo natura nan manam melat comme nim melon bu boba ndox mi wul beti ko nal labat da tay labalat ngir na lan cause bi mo dañ wala lool man na ma dal ci lenen manam meun na ci jël lool mom motax gisoon nañ ko ban ci tolle yeen ngui fatali ko ben ma soti ci par exemple ben produit bo xamne ne day annuler tiafka gi wala xet gi wala yoy te lolou souf par exemple daf koy def tay buma jele def ci souf yeungal yeungal yeungal yeungal yeungal yeungal affaire yi dal di wadat da nga gis ndox mi meun na dem ba nga xamne xet gi ci nekkon bi ci soppe ko wala mel non day soppe ko bo wa ndox mi wolbe ci ku nekkat lo xamne da fay laté la balata moy comme recyclage manam comme ndox mi nga xamne moy dugg ci wanak bi di dem di delu ci manam buñ ko recycler ba nga xamantene xet gi tafka gi wala melo bi nonam yi nga xamne ñoko yakko deñ ne day gi daal gis ndox mom tay daal meuna continuer la ba la balat mu meun ci jappuat lolu manam moy cadre ndox benen cas de figure moy comme exactement ñam bi mu wax tay buma toggé sama communauté nga ñu seen na ñu wax leena kon ci tay buma toggé sama ci bu and ak jëf kon ñu ko tuddé ci bu jëf légui ma jël ko manam lapna ni mu nek a son état mais suma ko tege ci jamono tangor ba tafka gi xet gi wala melo yi soppé ko ma gis ni dafa soppé ko bu boba day dal di mujjé nek lo xamné day sobé wu su suma ko mënon jël par xawma ban procédé ba me rend defat ko ba melat comme ci bu jël ba lam melon ci ciosan boba day dal di labat suma jëlé comme direct ki wul naka jek dafa lan sobew ngir ne deret la guy wal dafa sobew mais deret joju suma ci debé extraire manam jaarala ko ci fi mako jaarala ba genné ci misque bi manam nga gis né dafa caractéristique dañu sopé ko lol day dal lan day dal di lap suma jëlé raisin man nal ko mu genné ndox mu dal nek jus raisin mais suma ko tege fi manam jaaral ko procédé bi nga xamné mom moy tax mu guéné sangara ngir né dafa dem ba forox moy fermentation bi bu boba day dali sobé wu ngir né dafa nek lan légui sangara da fay sobé wu pourquoi parce que da fay guéné ci ni mu melo dem ci benen nature benen état mais tay suma ko jëlaté ma def ci mère bi mère sangara bi comme niñ koy waxé bamu fermenté ki soppé dem nek vinaigre day dal di labat manam lolu djel ko ci cas de figure yu bare lolu cas de figure yu bare mbir mi non lay démé waccu lolu mom motax fuqa maliki rahmatullah alayhi ne waccu ci djëmmi bopom du sobé bamu dess lan su fekkene ne waccu bi tafka wala manam tay nit ki lek na ci bu jeun bu wex mu waccu bi vert dañu xamne legui sobe wu na lutax parce que li nekkon ci biram soppe ko na nek yor benen melo manam lolu soko comprendre daf lay dal di dimbali ci yu bare ci yu bare wala nit ki nga xamantene lol tamit manam day dox ci même ci dundu nit ci yere bi mu sol par exemple yere bi baxna mais yere bi bu deme ba nga xamantene par exemple manam matna mais yere bi dafa dem ba nga xamne dafa xorteku ba neubatul awray dotul baxati manam dotul meunu julleti ak yu mel non manam ngir na nature bi soppeku nak mais buñ ko jambasé jambas buñ ko jambasé day dal di mana julli manam caractéristique yoy non manam mbir mi bu soppé ko day dal di soppé ko voilà day atté day dal soppé dak la xéen ko ni japp fu rek moy ni atté bi day top cause bi néké atté bi néké voilà ni cause bi nékatu atté bi do fi néka bi fi djok kon buñ délissé ci sunu masala bi fi li nga xamni mom moy question bi mom moy analan mom moy waral manam woyefal gi ak nan lay toll wala nan lañ koy xamé buñ jëlé kon borom xam xam yi nga xamni ñom ñoy hanafi rahimahumullah ñom dañu né manam li nga xam mom lañuy woyefal ci sobe bu tar mom moy li nga xamni mom mo toll ak dirham ñu né won nak dirham buñ ko naté manam unité de mesure buñ waxon mom moy 20 qirat té nénañ buñ ko manam natablé mom moy l'équivalent de 3,17 grammes ñu né amna borom xam xam yo xam dañu né mi ngi tolok 2,95 grammes mais xeyna 3,17 yi mom mo gëna woor ñom nak légui borom xam hanafi ñom dañu def ñom distinction entre manam sobe yi nga xam ni mom moy sobe yu solide ñu tuddé ko najasatul jamida mom moy les suyu solide ak sobe bi nga xamni sobe bu ndoxé la ñu tuddé ko najasatul maya mom moy les sur liquide bu fekente ni sobe la bo xamni bu liquide la ñom ñing koy naté manam ci ci tenko loxoy ci kre kre da may fof lañ koy naté ñu lolu mom moy ci nga xamni moy sobe bu ta lolu moy li nga xamni dañ koy jéggéré bu uppé lolu day nek lo xamni faaw ñu dindi ko pour manam mëna jubbi wala lolu principe bu am solo la manam moy ne sharia bi mu ñëwé indi wul rek ay contraintes mais li ngay def après li la et puis c'est fini amul auto amul leneen manam dafa am ay mbir yo xamantene da nan ah li day xam nañ ni situation yi nit ñi di dund amna nu muy démé leen na li day jafé moy tandiku yi day gëna neexa moy tandiku ce qui fait que da nan la donc amna yo xamantene par exemple ci buntu sobe amna yo xamantene dañ la koy bal parce que tout simplement dafa nakaré moy tandiku am yo xamantene duñ dañ la ci tenir rigueur parce que tout simplement lool mom lo sakkan sagal war nga mënon am rigueur bu tollu ni manam ce qui fait que borom xam xam yeb mbolam mazhab yi bolé amna ñu luñu d'accord ci né amna sobé amna luñu jéggel ci sobé ak luñu ci dul jéggel mais ginnaw lool nak ñom ñep d'accord manam dañu wouté nak ci nan lañuy considérer lool li nga xamné mom la wax moy hanafi biñu wax amtoral mom moy sen parti tim sobé bo xamné dafa lan dafa tar sobe bu tar waxna la ko sank moy bepp sobe bo xamne mbollem borom xam xam yi d'accord nañ ci ne li sobe la comme mak mu tour ndox wala ay dem alam lolou ñepp d'accord nañ ci ne sobe la même wala goor man ki do ki bu jigen xale bu jigen wala wala sangara wala deret wala han wa wala wala par exemple yap mbam ko wala wala wala mbam sof sax ak yu mel non lool ñepp d'accord nañ ci ne sobe la lool nak ñom dañ ci dañ ne bu liñ ci balé manam du sayu la dalé rek dañ nanda saway wo affaire bu fo nga rax ko nangam nangam dafa am luñ ci balé mais ñom niñ considérer na mom lañ ci balé moy dañ ne soudé dafa solide hein environ 3,7 grammes lañ lay balé manam bu dalé ci sa yaram wala ci sa yire wala fi ngay julé soudé dafa liquide liñ lay bal moy lu tollo tenk crew tenk lox bi lolou lañ lay bal kon lolou mom moy li nga xamné mom moy abiu hanafi li nga xamné nak mom lay jël comme argument mom moy manam règle bi nga xam ñom dañ japp ni lepp lo xamni manam lor la te ñukoy woy darura lepp lo xamni dañ japp ni lor la wala cadre force majeure wala muy nécessité mu nek lo xamni lu beuy lu muy dalé lolu manam lu tuti ci sobe bobu la dalé day nek lo xamni dañ koy jéggalé deuxième argument bi moy comme ñu commencé won juñu rek señ mom moy li nga xam mom lañuy wax humumul balwa moy lo xamni dafa répandu dafa manam do c'est tellement répandu que mucc ci dafa jafé ñu jëlone exemple ci par exemple assurance ou auto bi wala assurance habitation nga xam fi mu tolni danaka c'est obligatoire kenn mënu ci mucc donc ñom ñaari ki yoy lañ jël voilà comme argument voilà manam comme tay assurance auto wala assurance ou keur wala benen bi nga wax ban la ma mom la wax ah ñaar joy nga wax voilà wala ko amna yenen moy ki responsabilité civile ak yu mel nonou yoy nga xamantene dañuy am yo xamne côté bo ki bo xamne dafa indispensable la mënu ko baña jël bobu mom da fay nek lo xamantene bu len ci auto yakar na OTR lañ koy tuddé yoyu mënu ko baña jël yoy dañuy nek lo xamantene ci sharia du ko nangu ngir principe bi dagalut mais lolu moy umumul balwa moy tax ñu permettre ko manam ngir ne manam mënta ñak mais lañ la ci permettre moy limite minimum c'est à dire indispensable bi moy assurance auto bi kon bu wa cher bi rek mo man mëno jël touriste voilà wa non mais en fait lolu ci wul lolu taw ko am solo xam nga comme que atté bi lolu la manam ñom en fait dafa am benn principe bu am mata bayyi xel ci diine moy dafa am lu ñuy tuddé lu dagan c'est-à-dire que dafa am ay loi mu am li nga xamantene mom moy frontière borom subhanahu wa ta'ala neena allah ala inna li kulli malakin maharima li kulli malakin maharima wa manam bour bu ne dafa am li nga xamantene mom moy ay maharim wala bok hudud wala wa hududullah maharima wala hudud manam ay dexele ay frontièream que frontièream moy yimu téré donc dafa am tamit lo xamantene principe moy ne yalla limu teureul ci ay atté daf ko def mu nek lo xamantene natou la ci julit ni ci kep ko gum comme ni nga xamne non la ko borom bi wax subhanahu wa ta'ala ne dafa bind dundu ak de comme amna ci ñetti aya ci alcorane yu ko tudd jeexale ne ci ñetti aya ne li yabulu wakum ayyukum ahsanu amala ngir mu meun leena natou comme inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha nabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wal ladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala ak bi nek sourate yunus manam yeb bu jeexe da nan ngir yalla natou len bi manam ngir feñal ana kan ci yeen moy ki gëna rafet jëf kon manam borom subhanahu wa ta'ala natou la c'est que manam principe atem yep ci jaamu yalla la teggu manam moy ne yalla daf ko tek ngir nga jaamu ko au moment où principe bi non la demé nak mom mo nan li baxna li baxul nga war ko nang su fekente ne te ben mbir dafa am moy ne nit ki jënd alalam wala mu yor alalam alal ji yaqku manam lak wala mu yaqku wala lenen dal ko lolou natou la ci bir natou yi manam du lo xamantene dañ nan warta manane dede lolou natou la bo xamantene day dal nit ki ci yenen natou yi manam comme niko yalla mané joxe dom ba nopi natou ko mu perte dom ji comme niko yalla mané joxe loxo mu am fu mu duggal loxo bi dag mu perte ko etc manam lolou nonou ay yep ay xéti natou lañ bo xamantene yalla da koy tégué té nit ki tamit considération bob dong la war am nak ci alalam ci né buma ko yalla joxé itam mu sañ na ma ci natou mo man ko considérer tout simplement comme ben natou ci bir yenen natou yi meuna xew ci sama aduna manam principe le bo xamantene parce que tant que duñ ko gissé nonou et que mom mo né mil mom mo bax mi baxu ni la wara mana demé du démé ni bu boba nak après ku nek nak day jëf selon li nga xamantene mom la japp né rek bu ko borom bi digëlé non la ko mëna défé ak bu ko digëlé limu japp né mom du ko def légui nak après lolu nak benen atté la laj manam mais lolu julit du doxalé non julit ni mi doxalé moy sami'na wa ata'na manam ci bu yalla teurele atté yen salam teul atté dana li di deg nañ ko waye top nañ ko té principe assurance yaakar na ni lu nit ñaka xam ñaka xam problème affaireu diiné xam na ni assurance bi di doxalé mom lolu mu dagalut wala wala wala wa kon dina jëf ci leral li nga xam mom lañu compléter rek mom moy li nga xam mom lañu wax ci dirham toujours bu féké jey ci hanafi wi do xam mom hanafi wi bu féké dafa tassaru ci yéré wi dañ koy dañalé ba ko ndax matna dirham bi bu féké ni matugo wala lu koy yess la day dugg toujours ci li ñi jégéré féké lu ko ëpp lu boba faaw ñu dindi ko mu am tamit benen précision bu nga xam ni mom lañu def ñom ci sobe bi nga xamni mom moy bu ki bi bu liquide bi mom moy ne bu fekke dafa laal sa yaram wala mu laal sa yere ñom dañ ne warul mat car bi caru fimu laal bu war bu fekke ni matul caru fimu laal day dugg tamit ci lo xam dañ koy jégeere bu ko wesso faaw ñu dindi ko voilà comme yere bi loxo yere bi bu ci dalé par exemple warul mat caru loxo bi voilà légi ci yenen borom xam fami le cadre de l'endroit pas le cadre de tout le goût souci c'est le bras comme mom la seigne doon wax légui bu féké ni bras bi karu bras bi c'est à dire mënu tax ci bras bi comme tay bu lool li la manam bu taxé bu fi baxna waye bu ko wé so doon baxat kar wa moy ñent xal rek way moy ben ñent xal moy bu xajé mbir mi ñent xal rek kon legui abi wu yenen borom xam xam ni rahimahumullah donc ñom manam distinction bobu nu buñu jëlé wala ñu commencé ci manam shafi'i mom dafa ni manam bu fekke ni sobe la bo xamni beut bu normal du ko mëna gis alay ñu té muccu ci jafé bu wowa day nekk lo xamni bu ñu jéggelé borom xam xamu maliki bi mom mu def ben distinction entre li nga xam mom aju ci xambali di woro mom mu def distinction ci manam deret bu fekente ni dafa tolok dirham ñom dañ koy duggal ci duñu jéggéré xambali bi nak mom dafa indi yeneen position parce que mom mo non hanabi la mom xambali mom dafa indi yeneen précision yo xamné manam ci lu aju par exemple ci diyen bo xamné day nampal non non maliki la en fait hanbali bi mom ak shafi bi ñoo xawa jégewanto sauf que hanbali bi lim ci bayyi xal rek xam nga shafi bi mom dañ bu fekkante na lo xamne beut du ko gaaw gis la yo multi beut gis ko way multi ci jafé wala bok bono ba paré multi ci jafé maam dafa leena bolé ba paré multi ci jafé mom loolu lay jéggal c'est à dire que sobe bu mëna doon il faut mu bolé ñaari condition pour ñu jéggal ko xam bo wone xanafé bi mom dafa woyofal affaire bi gis ngeen nim ko nim yombé shafi bi daf ni loolu woyofal gogum mom vraiment du dem ba yegg fo limuy japp rek moy su sobe bi la né fekké ni mënu ñu ko gis waaw manam duñ ko gis nanam moy dafa dafay gis ba nopi mu nek lo xamné dafa lan dafa nakare moy tuddu dafa nakare moy tuddu bu boba dañ koy jéggal waye hanaf hanbali bi mom dañ ko d'accord na ak yow ba mu dess ci gis gi mom len rek la baye xel moy nakare moy tuddu bu bu nakaro to moy tande ko waaw boba duñ ko bala ci ñoo manam comme tay par exemple bi mom moy tay kuy tour ndox muy ci chaise turquie wala chaise anglaise mbir mi di tiss di dal ci kaw yereem te duggu yepp manam xam nga lol dafa xawa nakare moy tande ko du ko gis téléphone nakare moy tuddu ko bu boba ñom dañ ni lool dañ ko jéggalé lool exemple la yay dé dans ka responsabilité au qui tourno dans par exemple ya bu féké ñew nga chaise anglaise wala chaise turque peu importe yow ngay goor par exemple nga wara tourno peut-être amna lu né imposé nga tourno nekku da nga ñew rek fa dama ñu jéggal ci vulgarité amul la taxaw rek def lu la neex amul c'est-à-dire amul imposé fofu ndax nit ko man na tok tour ndox lolou mom moy li geuna habituel lolou moy li geuna jaadu lolou moy li geuna normal ci goor non jigen mom day tok non man sax question lo voilà d'ailleurs tok tour ndox bokul won sax ci ndial ben gi ci goor bokul won ci aada yi manam par exemple sahaba yi xamuñu ko won avant radiyallahu anhum avant ñuy gis yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam diko def d'ailleurs lool mom motax comme hadith bu nek sunan imam an-nasa'i rahmalahu bam ko jikke gis mu def ko dafa am ñu doon wax ne mom de day def comme ñu jigeen ñi di def day tok di tour ndox manam nga gis ne kon ñom xamuñu ko won benen bi ci dess moy motax ñooñu ay manam ñu ne ay xet ay nafaq lañu na fa nafaq ñoko doon wax wala du sahaba yi radhiyallahu ñoy jéñu parce que ñooñu ëppunte nañ ak bi wax du mel non ci jëm yent bi sallallahu alayhi wasallam mais ki nga xamantene mo moy goor gi kon amna manam li wone ni amna droit taxaw tour ndox moy li nga xamne mom moy hadith Huzaifah ibn Yaman bi radiyallahu ta'ala no d'ailleurs mi ngi ci ñaar sahih ne man dama andak kuntuma annabi sallallahu alayhi wa sallam fa atayna fi subaqati qaumin fa qama ba fa bala qa'iman fa bala fa qala li nu fa bala qa'iman yanti sallallahu alayhi wa sallam man ak mom dañu and ba ci seun aw gay nana mu dadi taxaw ne ma jégué sin manam pour mu mën ko neubuy na nit ñi mu dadi taxaw tour ndox manam mu gis ne kon lolu bu fekkante nak mu am ñaari mbir fofu mu am benen xétu moy tuddu parce que comme par exemple ki bi limi tiss dafa bari bu dé chez turquie wax ma anglais parce que anglais d'autre façon mo def lu du taxaw ou presque wa mais bu doone obligatoirement dañ nan la da nga wara taxaw da nga wara tok kon yeren tibi sallalahu alayhi wasallam da na tok soit sou rek mais mom ci jëmmé bopam mo def lool mais lool mu ngi def est ce que nekkone aussi ay circonstances peut-être fum nekkone mu togo dem ay lor lool ko ci fekk wol dedet dara du ko wax ci seun nga wax non ci wétam la manam duggul ci bir seun bi ce qui est évident duggul ci bir seun bi ba nopi benen bir daf ci am moy di gis nga mbiru diine ji dafa yomb nekul lu jafé manam bis bo commencer dougal affaire wo jafé rek après nit ñi ci ay xéti problème yu dul jeex lañu dugg ci ay xéti problème yu dul jeex lañu dugg té lu tollu manam nit ki même bu fekkante même tay nit ki bu taxawé ci mbedd mi même bu taxawone fo xamantene sax dafa am te lolu ku dekk ci dekk bo xamantene dafa am gannous da na ko xam même ci ki nga xamne gannous la sax gannous moy sou bari mi voilà manam bu touré ndox sax dina am lu ci teus ñew même bu fekkentene du ko yek wala du ko gis manam ce qui fait que lolu nak mom lañuy jéggelé et bien sûr waxuñu ki nga xamantene par exemple ni muy taxawé manam ak ki bi manam day danaka day tass yeri wala da ci sax non mais li nga xamantene day dal di ñew di dara ci kawam té mu nekk lo xamantene buñ ko gis lool non mu ñun mom lañ nekk di wax manam waxuñu li nga xamné day dalé té mu leer na ni affaire bi day tisna mi ngi ni manam mu leer na mi ngi ni ba bari dafa bari lolu ken waxuko mais li nga xamantene day tiss té mu nek lo xamné mënuñu ko moytu ko parce que même bo togué même ki tok mën na tass dal tiss dal ci kaw ce qui fait que amul numir mi wërbeutiko ba mu nek lo xamné nit ki day muccu complètement lolu mom motax diiné ji du doxé comme état di exigeant ki yel na voilà ci yel na situation mais quand même même si cas bulo taxé mom mo sobi am nga problème wa bon amna yene urine noire par exemple yene station bo nek surtout amna yene station wala yene sen yene ligue yi sax yene urine noire ni ñu configurer wé mëno ci tour lo dañu gis sa kaw c'est tan li day gis sa kaw ba nga ñu gis na parce que urine noire bi dindé motax da amulo benen amulo ay ay toilettes yo xamné ni mën nga fa dem tour ndox wala bo peut-être contrainte bi mayu la nga dem nga dem ki quoi wa pour résumer bu ñëwé ci cadre de figure bi pour résumer li nga xamantene mënoko moytandiko li nga xamné yow mënoko moytandiko légui nak après yow yay xol ndax mënon nga moytandiko wala mënoko mais boko mëne moytandiko lool duñ la ko djéggal soko mënul moytandiko dinañ la ko djéggal pour résumer ma lo lay dugg sax mo ma ci ci règle règle usul bo xamni war nañ ci ñew wa ça c'est wa lol la ci ka wala voilà voilà c'est ça ba ba fay day dugg ci règle usul bo xamni war nañ ci ñew mo li nga doon wax al mashaqatu tagu bu tassir voilà légui kon bu fekkene dañ delu ci kon ci ci fiñ nekkon légui maliki bi mom man nak seigne bi juste question rek di question rek parce que dama bindon ci ci xana bi lebu xaw tak waaw non maliki bi nga dem maliki bi waaw manam mom mo am 14 waaw non maliki bi mo am 14 points waaw mais ñetti points la bëggon wax yo xamni waaw dama yaakaal ci xana bi lebu waaw bismillah mom moy du aju ci jigen bi nga xamni day ci nga dem maliki bi dama ak incontinence ak non non non yépp ci maliki ci 14 la bok waaw kon legui maliki bi mom tamit da koy natalé manam ci dirham mais dafa am yakarna dafa am nuance bo am ci mom li nga xam mom lay woyé dirham ak li nga xam ni hanafi bi mom lay woyé dirham maliki bi kon mom mi ngi koy nat ci manam muñu wax dirhamul bahli mom moy pied de mulet mais ñom ñom feulé dafa mel dafa am réunion bu fa am kon maliki bi li ñu wax mom moy maliki bi tamit ci nuance lako natalé mais ci ci dirham lako natalé mais dafa am nuance bu nek ci ci manam mom li ñu wax dirham ak hanafi bi li nga xam mom lay wax dirham donc maliki bi mom li muy wax dirham mom moy dirhamul bahli moy pied de mulet mom moy wé bi nga xam mom mo nek ci tanku ki tanku mulet mom ci lolu lako natalé tek ko fan tek ko ci hadith bi nga xamne mom mo ñew ci sunan daara kutni radiyallahu anhu non rahimahullah mune sayyidina umar radiyallahu anhu dañ ko laaj wala dafa ni sobe bi nga xamne mom mo nek ci wé lu tollu sobe bu tollok lu tollok wé du téré julli wa ñom ñu xiyasé ci né kon sobe bu tollu nonu kon du téré manam ñu djéggel la waaw ñom fofu lañ lool fofu moy fofu lañ tek sen argument maliki bi ne tamit manam lu tollok wala bok dirham bax ni dañ koy natalé tamit ci lu tollok manam fi nga xamni fofu la dem all bi di génné waaw lu toll tollok non dal équivalence yu ñom mom lañ joxé voilà manam lool moy dalil bi moy argument bi parce que fan la lutax ñu naan parti bobu lool dañ koy jéggalé moy dañu gis né sharia da fay permettre nit ki bu démé Allah mu jëfëndiko lu démé nek xéer ak yu mel non té ñoom dañ japp né lool du dindi sobe bi mais le fait que xéer bi ñukoy jëfëndiko moy wané né dañ jéggalé lool moy wané né kon parti bu moy lu tollu nonu manam kon dañ ko jappé comme wé wala dirham motax ñu wax dirham bax li manam moy bax la bi su taxawé moy bu ngeen gis fas bu taxawé da ngay gis tank bi dafa am ci ginnaw ben xéetu wé ci suuf wala lolu nonu parti bobu lu tollok lolu lañuy wax manam kon à peu près mi lay tollu à peu près manam lu tollu nonu par exemple ci dérèt ñom ci dérèt dinañ ko jéggal mais ci dérèt rek lañ ko yamalé kon ngay gis fuqaha maliki rahmalullah ñom ci dérèt rek lañ yamalé lan djegale gogou ñuy djegale lu tollok lan dirham leneen loolul de rek jappu wuñ ko kon lan kon lu ñuy djegale contrairement ak ñeneen ñi nga am tane dañ ko gëna généraliser ci leneen loolul de rek wa donc maliki ñom ki bo particularité bobu lañu def moy manam ni ñuy djegale wa waaw waaw en fait bu amé sobé en fait la bu am solo ki xéer bi suko nit ki jeufandiko we fek mu am sobe dafa am ñaari mbir yu am fofu bu ñëk bi mom moy sobe bi tak ci tak go xamantene nit ki manuko baña gis xam nga boba bobu cadre figure day dal giñu ci lat bi wala mu woow ci te bu ci woowe bu boba sobe ñaari sobe manam sobe bu woow du wal benen du wal lenen manam lolu ben mbir la tam bu am solo tay bu amé sobe bu nek ni mu woow bu laalé yire nit ki wala mu laal yaramam wala mu laal ben place lolu du tax place bobu sobe wu parce que sobe bu woow du wal lenen bamou dess lu toy lay wal par contre dina wal lu toy c'est à dire que bu sama yire bi toyé sobe bi wow bi dal ci parce que daf ci daf koy bayyi mais ñaar yu wow duñu walante lolu muy ben ñaarel bi ci dess moy ñaarelu cadre figure bi am bi nga xamantene man nañ ko manam mën na nek mom moy gisatuñu sobe bi té sobe moy li nga xamantene mom lañu gis parce que lutax parce que dafa am qa'ida bu ne al aslu fil ashiya'i tahara li nga xamne moy ciosan ci mbiri mom moy la donc nit ki bu jeufandi gisse xeer bi te xeer bi tax mu gis ne mom visiblement gisul dara lu xamantene wan la ko ne sobe ngi moy day japp ne sobe nekut bu boba do am ben effet voilà Allah kon legui dañuy ñew ci ci manam abiwu maliki do wa question non bax na la kon dañuy ñew ci li nga xamne mom moy abiwu borom xam xam maliki bi mom dafa am comme ñu wax rek 14 choses yo xamne 14 points yo xamne mom lu distingue bu ñëk bi mom moy bi doon wax rek mom moy dere mais liñ ci jéggalé mom moy li nga xamne mom mo tolo dirham deuxième point bi mom moy manam ki nga xamne jigeet bi nga xamne day nampal ni ci waxone mom moy jigen bi nga xamne day nampal mo xam ci muy nampal dom la wala domam la wala domam donc li nga xamne mom moy sobe bi nga xamne day joge ci xale bi diko dal mo xam mu melni par exemple tour ndoxam ak dem alam lo xamni la luñuy jéggelé la ci bam xam xam maliki bi lo xam luñuy jéggelé la deuxième point bi xam nga troisième point bi parce que dañ né dérèt bi ak jigen bi nga xamne mom moy alété troisième point bi mom moy liñ waxone moy salas dañ non moy incontinence voilà bu fekké ni incontinence ñu né nit ki bu fekké ni da lay dal ben yoon par jour gus bu nek dina dal ben yoon moy manam ko xamne mënu tey sa bop quoi comme bu fekké da nga bëgg tout ndox saw yi day ñew même bo amul ami sax day ñew non parce que mënu tey sa bop mën na nek ci saw lañ ko gëna xamé mais néwon nañ mën na nek ci saw mën na nek par exemple ci lepp ci masiw jigen bi mën nay di gis direct nonu sans mu nek mbeureuk période mbeureuk ak yu mel non manam lepp lo xamantene dafa am day genn te mu nek lo xamantene naturelul manam en tout cas dafa côté fièvre la genn lay genné ci nit ki lool non mom lañ wax salas ngir ne nit ki mënuko tiyé manam mi ngi jogé ci voilà incontinence le fait de ne pas pouvoir contenir voilà ba donc kon ci incontinence salas bi dañ néwon bu fekkenté ni dina genn ci nit ki ben yoon par jour day nek lo xamni day nek lo xamni kon bo wa dañ koy mëna djégé wa benen bi moy liñuy wax basour mom moy jangoroy kadior wala hémorroïde mu nek tamit lo xamni fièvre la donc wa légui incontinence bi parti bi moy la wa incontinence parti bi mom moy bu fekkene day génn bu ben yoon wa par jour ci nit wa bu boba do fuñ ko exiger wa mu dindi fi mu tax ci yérem pour mëna julli voilà parce que tamit moy comme li nga wax dañuy fatel ni manam koy waxal li ñi wax ni moy ci lepp lo xamne manam lu ñu lek ak lu ñu nane bokku ci mënu ñu ne par exemple alcool bi bo ci nane tolo mi day dagana ki lu ñu lek wala mbam mi bo ci lek tol ndey dag lu ñu lek wala lu ñu nane bokku ci voilà manam fi li ñi wax mom moy lu ñu mëna en tout cas julé wala ñu mënti def yeneen ibadat wala voilà mais amna benen atté ci incontinence bi ci ki bi ci incontinence wa lol la won lol affaireu japp lo won du graw mom ngi yegg do donc kon benen bi mom moy hémorroïde moy basse ñu né li nga xamni mom moy genn ci nit ki nga xam dafa am hémorroïde dafa fébar lol non fi mi genn di tak bu fekke day genn mom tamit ben yoon ci bëss bi wala lu ko ëpp booba day nekk lo xamni fi mi tax dañ ko koy jéggal mais bu fekkante ni nit ki ci bopom da koy délo parce que xam nga incontinence dafa melni genre excroissance buy genn quoi buy genn ci hémorroïde wa hémorroïde légui bu fekke nit ki ci bopom da koy délo da koy faral di délo ak loxom bu boba lolou non nga xamni mom moy tak ci loxo bi dañ né bu ko délowé lu ëpp ñaar yoon bu boba day obligé mu raxas loxo manam dindi soobi bi nga xam mom mo tak ci loxom bala mu julli mais fi nga xamni fofu lay tak ci réew bi lolou depp day dugg ci li nga xamni mom moy likoy jéggal voilà kon bu boba il faut que mom mu diko manam mu ko soxla diko laal ak loxom lu ëpp ñaar yoon pour ñu commencer koko jéggal voilà day kon benen bi mom moy lu aju ci manam ci lu aju ci ñi nga xamni par exemple sen métier ku melni par exemple boucher bi nga xamni day liggéey ci souvent day faral tak der wala ki nga xamni mom moy déboucher wala chirurgien bi sax nga xamni day opé day jankonté ak délét ñom ñu néwon manam délét bu nga xamni mom mo leen tak so nga xamni mo leen tak dañ lañ koy mëna jéggal par rapport ak sen métier mais dañ néwon sopp nañ ci ñom ñu am manam ñu am yéré bo xamni mom lañuy jullé légui nak bon exemple yi lañ joxé won mais yaakaar na dañ ko yaatu ñu né xéetu métier yi nga xamni yépp manam nit ki day faal di jankonté ak sobé yi nga xamni ci métier la nek de bay dugg ci biñuy jéggalé mais li gën en tout cas liñu sopp mom moy mu am yéré bo xamni mom lay jullé wa légui benen biñu waxon mom moy ki nga xamni bi toujours ci maliki yi mom moy ki nga xamni mom day dundal mbam yi ak baxlay nga xamni comme ñom ay sobe lañ day faral di jankante sen deb al tamit ak sen ki sobe la day faral di jankante ak sobe bobu ki tamit bon dañ koy jéggal mais sop nañ ci mom mu am yéré bo xamni daf mom lay julé wa benen bi nga xamni waxon nañ ko toujours ci maliki bi mom moy ki nga xamni dafa am ay tab nga xamni mom day soxlo sama tab bi diko beusak diko fi pour deut bi genn ñu newon kon deut bi nga xamni manam deret bi nga xamni mom moy genn bu fekkene day beus tab bi te ñukoy wowe naka ñukoy wowe wanjar wa ñukoy wowe deret wanjar ñukoy wowe deret wanjar wa wanjar wa moy deret bi nga xamni day jaxso ak deut mom lañ wax wanjar donc ñu néw ko tamit xawu jaune ki la day rouge mais day jaune en même temps deut non deut moy ki deut moy pu voilà pu voilà maintenant un sang mélangé de pu mom lañu wax lolu ko wax wa wanjar bi donc dañ néw lolu tamit biñu djéggelé Shafi'i bi ak Hanabila bi ñom préciser né waaw manam maliki bi dafa ni mom bu fekke ni lu touti la dañ koy jéggal mais bu dé lu bëré la dañ koy wara dindi Shafi'i ak Hanabila bi ñom né defuñ ci ñom distinction bobu manam mu bëré wala mu touti pour ñom luñuy jéggalé légui benen bi mom moy lu melni par exemple teñ wala mat nga xamni ñom en fait li ñu waxon moy comme ñom dañuy dundé dérèt wa dañuy dundé dérèt quoi du dérèt bo xamni sen dérèt la mais dañuy dundé dérèt ñom manam bu fekkenté ni comme buñu leen écraser ni dérèt bi di génn non féké matna matul diram dañ koy djégalé mais bu féké daf ko upp bu boba faaw ñu dindi bo parce que ñu koy jappé comme manam sobé la sax dafa nek lepp sobé la moy lu touti li ak lu bëré li mais bu matulé diram dañ koy djégalé alors que bu uppé diram bu boba lay djégalé da fay wax lolu mom moy téfantal mat c'est le pu de le punaise mais le pus voilà le punaise de lit il y a aussi d'autres le pou voilà pou wa ñom yo wa ñom ñep non lañ top non lañ lañ famille donc vitamine mo amone benen précision buñ ci defone mom moy mais sen med tamit manam sen mi nga xamni mom buñu déwé tam comme dérèb rek dañuy dundé té mo leen fessel buñu leen écrasé tamit day ci quoi manam dérèb gi day génn ñu néwon sen mi ñaar ci sen mi manam fuñu tax dañ koy djégalé mais bu xassé ba nek ñett wala lu ko ëpp bu boba day nek lo xamni day wax ñu dindi ko soy wax day wax ñu dindi ko benen biñu waxon mom moy lu aju ci ndoxu taw luñu bindu mais yaakaarna flag do luñu wax manam ndox yi nga xamni day ta nga xamni sobe daf ci duggu te nit ki mën na baña manam muccu ci mu dal sa kaw mën na jaxé bu boba ndox momu non li nga xam mom mo ci la nit ki dañ koy djégalé bu fekkenté ni ñetti condition yi ni dafa dajé mom moy manam bi fa doon jaar mu fekk muy dox amul par exemple benen moyen il faut mu jaar ñaarel bi mom moy def na lu mën pour éviter sobe bi wala ndox mi dal ci kawam parce que ndox mi en fait dañu japp ni dafa am soye bu ci nek dafa jaxal sobe da ci dugg wa lool moy soule dafa jax so ak sobe ndox mi soule dafa jax so ak sobe parce que leg flag do yi manam ndox yi ci te fekk du jax so ak sobe manam da fay day rouge rek parce que ban mo fa nek mais su fekkante ne par exemple place bi nga xamantene fofu la ndox mi ta place la bo xamantene par exemple ay fas ki wala bok ay mbam plutôt dañ fay faral di jaar ak ay baxla manam ak wala yenen ay xéti animaux ay xat ay ñom xét yoy def dañ fay faral di jaar té du ñom ñep dañ fay faral di jaar muy ci manam bu boba bu fa tagué da ngay gis ne sobe bi day jaxaso ak ndox ma fa nek sobe bi day jaxaso ak ndox mi bu boba lolou mom motax ñuy wax mais bu fekkante ne ban la ni rek wala souf ni rek mu am flag do lolou grawul parce que du sobe parce que ni ndox mi du sobe souf si du sobe voilà donc on troisième condition bi rek mom moy né ñu pour yok ci ki manam do li joxe troisième condition mom moy bu fekente ni nit ki jëm sobe bi ci bopam lalu ko yomu sobe ci bopam dalu ko bi nga xamé ndox du wëtt sobe ci flag do donc bu fekké ñetti condition yo dañ dajé kon manam flag do bi bu taxé ci mom day bok ci ni nga xamné dañ koy djégal yañ wax ban bi flag mais amna luñu waxon ci ban bi moy né ban bi du moy né bu fekké dafa jaxalu sobe waaw mom la wax waaw non parce que da nga né ban bi du sobe ki alors que niñu jappone mom man li ma bindul mom moy manam bu fekke ni ban bo xamne wa jax so sobe voilà lolou lay wax motax mané su fekente ne par exemple ay mbam dañ fay jaar wala ay xaj difa faral di jaar difa wacc sen ay siyar han ak yu mel non lolou bu ndox mi fay dal bu amé flag do day gis ni flag do bi ban bi lay jax so ak la sobe bi wala lool lañuy wax legui benen bi mom moy dem alu manam lu melni picci nga xamni ñom dañ newon bi wa tuddu ci maliki bi nga xamni bari wul té beut mënu ko gis beut bu nonal mënu ko gis dañ koy djéggalé lu wessu lolu dañ ko wara djé voilà donc il faut que mu baña nek tamit lo xamantene sobe bi waxon nañ lako lo xamantene manam fofu il faut que mu baña nek lo xamantene sobe bi dañ koy dafay visible manam par exemple nit ki liko dal ci manam ndox mi wala lol mu leko ni li mo jëmmi sobe bi la par exemple voilà lolou boba duñ ko djéggalé waaw mu nek ñu gis ta waaw ni ba ci bi fi la dal waaw legi benen bu moy dañ newon li nga xamne mom waji par exemple ci ñi di gaju quoi waaw wala ku am gom ay gom wala tatouage waaw day ci ki manam ci gom yeuy nga joxone exemple ni manam sahaba yi radhiyallahu anhum ci période xalé yi wala demé non dañu julli fekk dérèt mi ngi dan wala wala voilà am nga ko wa donc kon ci buntu bobu lay lay dugg voilà ak dérèt bi nga xamni waaw ak dérèt bi nga xamni rek c'est difficilement évitable comme lu démé ni moy duñu wax ni rek non la goom gi wala wala gaju yi wala démé non dérèt bi nga xamni ci lay lacc quoi voilà parce que goom guy bi ko xamantene par exemple dañ ko jam pak wala xet wala ñu door ko jass ak yu mel non wala bal sax balu pistole deret joju di touru ci mom munu ñu ko tey manam muy genn bu boba lool duñ ne ko do julli nok fi fok mu deñ ba pare nangam dedet dañ koy baye mu julle non lool tax ye sayyidna umar radiyallahu ta'ala jour bi nga xamantene mom la ko say bi jame abul lu al majusi bim ko jame motax mu julli ci manam fek comme ni hadith bi wax muné salla umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa juruhu yas'ubu daman fek julli na fek manam goom bi jamjam mi ngi soti deureut voilà parce que dañ ko jam en fait dafa taxaw ñu diko jam Allah fek dañ do waji julli waji ben majus la moy zoroastrien ci juma yankir sa xam fek sayyidna umar radiyallahu anhu daf daan bari lu ngi don ñaan ne yalla nga mayma parce que dafa xam ngeenel yu mag yi nek ci deer en tant que martyr ba pare xam ngeenel yu mag yi nek ci genn aduna ci soufu madinatul munawwar ala sakin hafdul salatu wassalam mu don wax nak yalla mayma ma nek ko xamne shahid lay don martyr lay don mais ci sa bir keur yena dekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam Sayyid al-Hafsa radiyallahu anha domam la di soxna yeen din sallallahu alayhi wasallam da non man dal sama top ñaanam gi luma xaw jaaxal la luma jaaxalon la parce que martyr parce que medina comme kharam la manam sanctuaire la kene munu waru fa xex manam xex am waru fa am mona motax ko sanctuaire makka ak medina motax kharam bi li ñaan kharam bi lool dafa kharam nit ñi di xex fofu voilà nit ñi di fa xex comme que nak sanctuaire donc nan la mana nekki martyr te martyr ku koy def moy da ngay xex ba pare bëgg ko def bëgg genn addu bir medina waye borom bi subhanahu wa ta'ala ci xek mom sayesam nanguna ñaanu sayyidna umar radhiyallahu ngir ne dafa dugg woon ci xolam bokku tek sa mars nga xamantene même buñ xamé ni ngeenelu ne de ci martyr amna solo dañ koy ñaan rek au bout des lèvres mais vraiment bu buñu dé fekk dañ leen jëm baax wala bal pistol lañ leen door bon légui mu deggu gi mu deggu won borom subhanahu wa ta'ala may ko ñu ba buñu dem bay waaga taxawal julli abul lulu al majusi ñew jam ko pankal bimu ko jamé dérèt ji di tour mu xaw perdre connaissance teud mais dañ ni ko julli de jotna manam gis nga ni mu teude won non ci lané ajal waaw la hafdha fil islam mimman yad'u as-salat wala yudhi'u as-salat wala yatruku as-salat amul ben ciir ci l'islam kuy doye dal julli amul ku doye dal julli amul ciir ci l'islam motax ci sas yi nga gis ni mu teude won non mu daldi vip daldi djok taxaw julli julli gogo après ci lañ ko teurela après ci lañ ko indil mew mi mune mu santat yalla ne yaronte bi sallalahu alayhi wasallam wax na deug ndax newon na mew lay mujjé nan doy genn aduna mu wax sayyidat aisha radhiyallahu anha ne ko nañ ko yabal ci mom ngir ne place bi nga xamantene mom mo dess ci neegam manam nga xamne mom bopum la ko dencho don pour ñu rop ko fa mu wara nek ci digg ci wetu ñaari andandom mu yenn sallallahu alayhi wa sallam sayyidna abubakar radhiyallahu anhu sayyidat aisha radhiyallahu anha dan na lol de bu don keneen da dana ko bañ ndax place bop sama bop la ko bañal la ko dencho don waye sayyidna mom mu mu ko bañal ci lañ ko rop fof manam liñ ci djublu won moy ne deret joju nga xamantene mom lañ ko jamone manam mom biñ ko jame da doon julli fekk deret ji doon tour ci sahih imam bukhari rahmatay rahimahullah hadith bi ma len wax sank ci walu sayyidna ahmad radhiyallahu anhu ci muwattaq bu imam malik rahimahullah bi sayyidna bi ci sahih imam bukhari hasan al-basri rahimahullah moko doon wax mun kan ashab rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalluna fi jirahihim sahaba yenenbi de sallallahu alayhi wasallam dan den julli fek ci sen deret yi di sen goumi manam ci lim do julle manam moy deret yi nga xamantene buñ dan buñ jame xare buñ len jame door len ay jasse parce que lolou la won tamit wala ay xet manam den dan julli fek sen deret bi mu ngi touru amna tamit benen hadith bu nek ci sahih imam bukhari batay rahmalahu moy ñaar ñooñu nga xamantene dañ doon julle no kenn ki dafa teud di neraw dañu waron am fuñu gar yeen sallallahu alayhi wasallam mo len gardé loloon ben genre tante manam place bo xamni pour fi gaay yi di nek non yi ñew bo ta xare la non yi ñew kenn ki di neraw mais comme que dañ ko doon awonté mais kenn ki day neraw mais kenen ki day julli donc day top di veiller wala mais day julli wala ñu bettu ko nak jam ko deret ji di tour fek mu do jang sortul kaffi ci bir julem mais téréwul mu continuer julem bi mais yewul waji voilà yewul waji après waji mo yewu gis deret ji ci mom après ci la ko secourir rek yoy manam mais lolou yeb day woné né manam nit ki budey julli deret ji mën na am bu fekkante na deret jog mënu ko téyé lolu sans sert a rien muy dagu julim wala yu mel nonu niki non sans sert a rien muy baña julli niki non sans sert a rien moné duko ki duko manam ke ni daf ko force daf koy dindi parce que sobe la lolu mom motax ñuy jéggelé xépu dara bobu mais kon dafa melni kon li nga xamne mom mo aji won wa amna benen moy ne deret joju tamit deret jojo tam ñuy jéggal leg day nek deret do day manam liñ ci jéggal moy tay par exemple bande bi nit ki tay soudé wala pansement bi su fekkenté dafa am goum bi am pansement wala deret wala manam goum bi am pansement wala bandage manam bande yoy deret jojo ci tax lol tamit dañ koy jéggalé lol kenn duko voilà kenn duko kon bu walu dini bro nek lu war parce voilà non dañ koy jéggalé quoi lenen dal liñ waxon rek mo bindon ko moy né vapeur ni vapeur wala gaz manam voilà kon dafa melni lolou mom moy yi nga xamne mom mo aji won ci masala fiqh wi ni voilà kon su ko defé ñu mëna dugg ci parti usul bi voilà inshallah donc kon ñu dugg ci parti usul bi parti usul ak qawaidul wa masala usul ak qawaidul fiqh wi donc ñu néwon kon hadith bi manam dafa melni dafa ñew kon pour léral li nga xamne mom mo aju ci walu yombal wa manam principe règle usul bi ñëk bi nga xamni mom lañu jappoon mom moy li aju ci manam dañ ko donkon sax ci ben mu bo xamni mom moy shaqiqa mom moy manam frère wala sœur bo bokal wa lool la do extra hein bo bokal day ak bay wa ñu né kon manam ci sharia até manam dañuy japp ni ci julit bi li nga xamni mom moy teggu ci ku goor ki mom moy teggu ci ku jigen ki nek hadith bi mom moy exception ci règle bo voilà exception la ci hadith bi mom moy exception ci règle bo voilà exception la ci exception la ci mom moy exception du ben mom moy exception la bindon la exception la ci d'accord mais parce que est-ce que wax nañ ni am na yene non dama fameul dama jappal ni bi voilà acte en fait acte règle bi dañe yent bi moko wax sallallahu alaihi wasallam hadith bu nek sunan imam abu daud rahimahullah mune an-nisaa'u shaqa'iqur rijal jigen ni motax borom ko xam ni an-nisaa'u shaqa'iqur rijal fi al-ahkam wa ghayriha jigen ñi ñom ak goor ñi ño bok nday ak baye ci atté yi ak ci leneen luddul atté yi c'est-à-dire que bëpp atté sharia ni muy téggo ci goor exactement non lay téggo ci jigen ni muy téggo ci jigen exactement non lay téggo ci goor bamu dess su amé règle bo xamé manam su amé ben atté buy ñu woné né ah fi kat sharia def na différence entre goor ak jigen exemple bi ci gëna patant moy mini solo manam goor ak jigen morphologie ni len yalla bindé wouté na wouté ko tax goor dañ nan ko yow del solo ni mais jigen lañu gëna exigeant ci mom ci ni mi solo lol exemple bi ci gëna moy bi ci gëna frappant benen bi ci dess mom moy comme fi ni manam lire bu goor ak lire bu jigen sen tour ndox yamuñu benen bi ci dess mom moy lu démé naké amna mbir yo xamanteni jigen ñi rek la concerné wul goor ñi am yo xamne mbir yo xamne dana goor ni rek la concerné wul jigen bok na ci mbir yi nga xamne jigen ni rek la concerné te concerné wul goor ni moy lu demé nek atay yi aju ci walu yi wurlo ci walu mbeur ak ci walu geusil ak manam buñ juré dom atay yi nga xamne ñom ño ci war ci seen walu julli ak seen walu wor bok na ci yeneen mbir yi nga xamne mom moy le fait que par exemple yi nga xamne ñom ñoy a concerné goor par exemple lu demé nek fasé fasé par exemple ci loxol goor la nek nekul ci loxol jigen bok na ci yeneene atté muyu démé néké par exemple yo xamantene ñom ñaar ñepp la concerné mais ni mu leen concerné mom mo wouté lu démé néké xarfal ni mu concerné goor ni la concerné jigen sauf que ni mu leen concerné mo wouté motax borom xam xam yépp rahmatullah alayhi deppo nañ ci né xarafal goor manam le minimum moy sunna la manam le minimum moy sunna la manam borom xam xam rahmatullah dañ ci wouté ndax farata la wala deet yaakar na ñakul ni mus nañ leena leral ci ay jotay yu bari ci jotay bu luxul manam yi mais bu fekente ni xarafal jigen la tamit borom xam xam yépp le minimum biñ d'accord moy né baxna comme ni mom no hazmo rahmatullah manam واتفقوا على ان ختان الرجال سنه وعلى ان ختان النساء مباح مانام امول بن بوروم خم خم بوي گيس مونال لا خرفال جيجن دا حرام ولا باخو ددت ا باخا باخا ها ها ولا لول ndax kharafal biñu kharafal jigen yenenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith la bu nek sunan batay imam abu dawud rahmalahu wala même ki imam ki sonna si nakar sayyidat ummu atiya radiyallahu anha amna mom da dan ñew jamono yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mi ñew medina mom da dan han da dan daan kharafal jigen ni mais yentou bi sallalahu alayhi wasallam dako wolu ne ko boy kharafal muné ko bul muné fa ashimmi wala tanhaki manam bul boy kharafal nga bul dag manam cieur bi cieuru jigen bi bu ko def mais nga dag tout ci kaw mais bul dag cieur bi yep lolou yakarna ci leralon nañ jotay bi wax nañ ne ay façon mo am dafa am luñu tuddé xam nga excision dafa am ay forme yu wuté yo xamantene yep ben la ci l'islam nangou ci ben excision dafa am bi nga xamantene mom moy nit ki da fay manam dafa am bi nga xamantene mom xétu ñaw la dañuy ñaw cieur bi cieuru jigen gi bobu dafa haram ba paré togn la bi ci dess mom moy dag gi ñi dag cieuru jigen gi yépp parce que bobu tamit li tax mu wax ko munako fa innaha ahsanu lil mar'ati wa ahdha laha 'inda zawjiha manam gis nga bo xolé muné boy dag cieuru ku ki manam clitoris sokoy dag nga dag juste ci kaw tout te bul dag lepp wala bul ci dag lu beuri muné ko lutax muné ko parce que lolu moy gëna mo gëna taru pour jigen ci waye tamit mo gën ci mom par ci dëkkërum manam moy lan moy né su fekkenté né jigen ji xarafaluñ ko borom manam dañuy gis né da fay am ben parti bu manam day nek ko xamanté né bané xam day kawé té da fay nakaré nek ko xamanté né day nakaré satisfaire voilà bu fekkenté nak dañ ko xarafal manam ñu def li ñu tuddé excision manam bu boba xam nga bene bu ñëk bi moy lan moy souvent soit foko fekk day sakku jëkkeer di foko fekk day sakku jëkkeer soit non lay wel wala mu nekk ko xamanté nak du ko sakku sa su ne mais sa yu joté ak jëkkeer di c'est difficile que manam jëkkeer di dab banéxam muy bob ñaaral bi ci dess mom moy su fekkenté ne dafa am mune su fekkete ne dañu dag lepp nak mune lolu mom ci bopum modul am banex manam mom ci demi bopum du am banex ci negu sey te lolu nonu bu boba lolu la yentou sallallahu alayhi wasallam door wax ndaw si nako bul def lolu mu am benen parce que sujet bi musna ko fimo amna fumako yatale ci darsu umdatul ahkam ci al ci hadithu fi khitami yakarna sax ci introduction bi la rek moy al voilà moy hadith bi dekk bim nan al fitratu khamsa hadith bobu voilà hadith bobu amna voilà masala li nga xamne mom mo aju ci xetu kharfal yaatal nañ ko fa bu baakha baakha ba alhamdullilah mais yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam kon mo wax na ne ba pare amna yeneene hadith yu tektele ni jigen def nako xarfal manam mais dina ñew ci ñi bañ manam li ñu tuddé excision parce que lool il faut que ñu mu am solo il faut que ñu bayiko xel manam ñu bayi xel ne ñun li ñi tuddé excision loolu l'islam xamuko ñun loolu l'islam xamuko l'islam lim xam moy li ñi tuddé circoncision li ñi tuddé circoncision la l'islam xam. Par contre, circoncision, dafa am bu goor ak bu jigen. Manam doune excision, manam doune circoncision, jigen rek, goor rek moko am dedet. Circoncision, liñi wax circoncision, dafa am bu goor ak bu jigen. Mais liñi wax excision, lolu mo baaxul. Forme yi nga xamantene mom la ci OMS, manam Organisation Mondiale de la Santé, yim ci imbi yep, amul ben forme bu ci depo ak bi l'islam wax ne nañ ko def. Lolu dafa mata bayi xel et que yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxna hadith min sahih imam bukhari rahimahullah ne ki nga xamantene awwalu man yahtatinu min ar-rijali ibrahim wa awwalu man yahtatinu min an-nisa'i sara manam ki ndiek alayhi manam ki ndiek xarfal ci gor ñi mom moy mam ibrahim ala nabina sallatu wassalam ki nga xamne moy ndik xarfal ci jigen ni moy sayyidat sara moy soxnam alayhi assalam mais kon bi nga xamne mom lañuy wax manam man bima gis bima deme ci site organisation mondiale de la santé gis xol façon xarfal yiñ ci wax yeb dafa am yo xamantene yi ñoo ci dégager wu moy bi nga xamantene dañuy ñaw ci ru nit bobu bokku tek bi l'islam wax bobu baxu bi ci dess moy bi nga xamne dañuy dag li nga xamantene mom moy clitorisu lepp lañuy dag wala bokku ñu dagiti lu reey reey lu bari bobu tam baxul am bo xamantene xéetu jam lay doon manam ci ceeru ndaw ci mom lañuy jam manam ba mu muju nek lu insensible lool tamit benen façon la bu ñuy def yoy yep tamit sharia amul ben l'islam amul ben bu ci wax tanta bi l'islam di wax nak bobu nonu dafa ne bobu man yahya musna mako wax lolou yag nak nema mom amna ben xaritou papa médecin la bo xamantene daf doon waxtan ak mom ne ko d'ailleurs circoncision bobu nonu nga xamantene mom lañuy wax manam comme l'islam di wax nonu mune d'ailleurs bobu sax manam dafa bax ci ndaw si manam dafa nek lo xamantene manam médicalement dafa bax ci ku jigen té lolu nonou même bu ko waxul won manam bu ko waxul won nit lolu taxu du ko taxu ko garam parce que li am solo rek moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom wax nako té lolu moy li nga xamne mo ëpp solo benen dalil bi woné na xarfal def nako def man wax na lako ci ni sunna sunu mam ibrahim alayhi assalam parce que xarfal dafa bok ci sunna mam ibrahim alayhi assalam té dafa bok ci yi nga xamne yenenbi yépp alayhi assalam def nañ ko fi borom xam xam yi wuté moy ndax farata la wala du farata wala sunna la ci ku jigen ki wala du sunna wala bok yegg na niveau farata waye baxna ak bonna dugul ci cadre werante bi manam moy est ce ku jigen ki manam ñak ko def dana ko wañi dara wa wala de fofu la wax gi ne mais nekul ci jëmmi def ji ci bopum manam lol tam lolou mata baye xel la man dañu xawa guddal yaatal tout ci masala bobu ngir ne dafa nek lo xamantene leg leg ñu bare bare ba ci bir julit ñi dañu ñak xam atté bobu té mbir mi leeru ci seen bop ba dañuy def non ño xamantene en réalité duñu seeni non manam moy lan moy dañuy japp ne ñi ngi ñaan ñi manam leg leg ñenn ñi dañuy japp ne parce que tamit ñaari mbir mo am moy di dimbali ko xamne day toj lolu baxul mais tamit di attaquer ko xamne toñu defu dara lolu baxul manam la manam moy ki di toñ moy ki nga xamne c'est pas parce que par exemple dañu gis ne monde occidental da fay bañ excision rek que ni ñun tamit dañu wara wax ne ah way mais lolu diine la nangam nangam dedit dañuy xol lan la monde occidental bi di bañ ak campagne yi def ci lan la koy tek buñu gisee ni fim ko tek mom moy ne limu bañ moy excision boba dañuy xamne effectivement mais wax nañ deug manam même bu lay yéfer lañ té que ñi ëpp ñi def circoncision ki excision moy ñun suñu société même buñu gisee lool warul téré ñu né ah gaay kat wax nañ deug parce que deug mom yalla rek ko mom benen bi ci dess mom moy aussi buñu prononcer wu ci mbir mom ñu xamne bi lista bi yent bi sallalahu alayhi wasallam di wax lolu sana strictement rien à voir ak bi nga xamantene mom lañuy décrire lolu nonu aussi il faut que mu nek lo xamantene dafa wara leer wallahu a'lam wa wa lolu wax na ko legui lolu wax na ko legui lolu la doon wax legui nak ana nak lañ koy defé ana lañ koy nak ana nak lañ koy defé so gënë ma gudd tuti dina gëna leer inshallah mi way tek jël sax wa bo xawé ma do gëna leer mais pour est-ce que am confusion bu nekk ci le fait que ñu japp une excision wa mom moy circoncision voilà est-ce que lolu fofu le problème bi nekk effectivement voilà wala top le problème bi nek te benen dalil bi woré né day am moy li yentibi sallalahu alayhi wasallam wax né idha taqal khitanan faqat wajabal ghusl bu ñaari ndongu yi dajé boba lan la mu né cangay day daldi wat manam gis né expression bi mu utiliser moy al khitanan wala bu benen bi am né idha massal khitan al khitan faqad wajaba al ghusl hadith bobu tam manam yi hadisi ñi ci saxé sahih imam bukhari bu yo muslim rahmatullahi alayhi yentibi sallallahu alayhi wasallam né bu ndongu laalé ndongulé bu boba manam lool expression la pour wax né bu manam bu ciiru ku goor ki démé ba jall ci ciiru jigen bu boba manam ak cang sangu farata day daldi war té lool nonu day tektélé né ñom ñaar ñepp kon manam buñu waxé né ñongu yi limi tékki moy bu goor ak bu jigen bi parce que sinon bu dé ku goor ki ben ñongu la yam wala bu boba kon bu boba kon lool tamit day daldi tékki li nga xamantene mom moy wala moy leunt bi ci buntu bob wallahu ta'ala a'lam yeu def kon bu fekke ni kon dañu delu ci sunu hadith bi kon qaida bi ndek mom moy li nga xamni li ñi japp mom moy goor ñi ak jigen ñi manam ay shaqiq lañ ci kanamu di manam ci kanamu sharia voilà kon ci atay ni mi teggo ci goor non lay teggo ci jigen ba mu dess bu fekke ni teni dañ ko préciser ñu ne kon sunu hadith bi kon exception la ci effectivement voilà ci manam ci qaida bobu non voilà légi ñaarelu qaida bi nga xamne mom lañu gissone mom mo li ñuy wax qaida tahabudi nga joxewon manam règle bo xamne momoy asharu tahabudi la taqul wa asharu tahabudi la taqul la taqul momoy manam ak yi nga xamni dafa aju ci jamm wala ci dima comprendre moy ak yi nga xamni dafa aju ci jamm obligé wuñu ñun ñu am explication pour top ko manam dañ ko wara dégg gëm ko moy seen partie de li nga wax dañ ko wara dégg gëm ko top ko mo xam am nañ ci explication wala amuñ ci explication and ak né mën nañ ci baña am ñu bañ ci xaar explication parce que mën nañ ci baña am explication ñu jëlone exemple lu melni par exemple dañ né won riba nga xam ni manam xel mën nako expliquer mais bu ko xel expliquer won tamit du téré né day nek até bo xam ni day téggu ci kaw julli wa ak yu dama nek waxtu julli par exemple ak nombre de rakay ñi ci def lolu xel yoy exemple voilà lolu xel du la logicul lutax mu tak sa nek ñent rakka lutax timis nek ñatt c'est pas logique xel du ko wax manam niki nonu xel mënu ko saxal itam xel mënu ta wax ne la logique bi moy ne li motax takusan mëna nek ñent rakka wala timis nek ñatt rakka wala ak ñukoy defé ni lolu xel tamit du ko saxal ni ko xel lu saxal motax sharia amul amna yu bari yo xamantene ci sharia xel du ko saxal mais amul ci sharia lo xamne xel da koy mëna dakk amul lolu lepp lo xamantene xel da koy mëna dakk rek lolu du sharia voilà mais le fait que sa xel yow at manam sa xel yow mën ta saxal mbir lolu tekki wul ne lolu ba lolu manam lolu lolu mom amul ben valeur juridique en fait voilà c'est à dire que voilà li am solo rek moy nga xamne yalla moko diglé wa wala dit bis bo xese ba xam nak lolu mom moy li am solo voilà nit xel nit dak na mbir ba tay da téwul mbir mom sa yalla ah comme la par exemple xam nga tay di toi bi xalam may nako mu sey goor digel sey ta dara waxu sen digelte alors que yow sharia may lo lolu mais lolu non yow da nga ni xel dak nako ba pare yow da nga ni xel dak na mbir téwul mbir mom nek ci sharia wa lolu la lay wax manam yow xam nga yow lolu non le fait que goor ak jigen meuna sey lolou xelu nit dakku manam baña sey xelu nit dakku manam haram gi lolou haram xelu nit dakku de c'est à dire que amna xel yo xamne dem nañ ba yaqku ba nanguko mais lolou yenn la ci xel yu dak dem ba yaqku ba nanguko mais normalement dans toutes les sociétés xelu nit ñi musuñu nangul lolou dans toutes les sociétés ba 1989 fi France goor jigéen ni dañ leen doon fichier donc xélu nit ñi nangouko nit ñi nak ñoo am seen ay lobby saxal ko samp ko mais par force nit ñi dañ koy nangou nit ñi bindu ko ci seen loi loolu lañ mëna wax mais mënu ñu lay xél nangou nako saxal nako ba paré manam dak nako ba paré sharia ñoo saxal ko té taxul ñepp nanguko ba ci bir tuba bi ba tay ji majorité bi nanguwul ko parce que kenn ci ñoom bugul ñu ne ko sa doom goor jigen la kenn ci ñoom bugugo donc xel saxalu ko man waxuma won sax ma goor jigen c'est pas do xam dama na degg li wax manam sey digënté goor ak goor la digënté goor ak jigen ha d'accord da koy nangou comme li yenen ci bi waxon sallalahu alayhi wasallam waji dafa ñew ci mom ne ko man dal yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam dama bëggoon vraiment nga permettre ma man dal xorna ba xol mais sama defu moy ndialo manam man dal jigeen ñu dal mënu ma leena muñ legi dama ni ngay def moy dama bëggoon man spécialement lu permettre ma man moy mëna ndialo mu ne ko wala xam nga yaangi ni diko donc lool moy wone rek xel ci ba pare non wa ma ngi ñu non mais le fait que rek automatiquement sa xel dem ci lool moy ne quand même xel du ko xel nanguko mais yeen ci sansal xoral lim ko ton daniko est-ce que bëgg nga li ngay wax ni ñu may la est-ce que bëgg nga ku ko def ak sa yaay bëgg nga munuko ah jamais lolou dama koy ray munuko sa dom munuko ah non dedet sa dedet sa jabaru bop gaay ñu fi dakk wax lool mais kenn bëggul ku ku lolou bokku ñu ci li ñuy maye mais munuko dedet munuko nak ñi ci dess tamit nonu dongu lañ koy bañalé seen yaay yi seen dom yi seen sœur yi seen manam mu dadi rek la après mu jël loxom taf tek ko ci deun waji ne yalla dindil wala xetul ci xolam jour bobu la waji dok lolu ci la den ci xam mais manam mais daf ko wax d'abord li nga xamne moy tek tele ne li Voilà. Mais ñi mu ci dal ñepp ci homme politique yi nga xam tane ñoo doon taxaw di wax naan way loolu c'est pas ki nangam di ngal nangandu lu ci biir nit ñi yalla nak to leen seen soxna yi mu leer man ñu gis leen ñu dem jaalo fenen mais daf leena def sox da leena def daf leena def sox ba nga xamantene pourtant nek manam nekkon nañ manam mais ku leen gis jamono joon dañuy xamne sa way nekkul la nekkul té lolou nonou mais manam lolou parce que nit mo mel non ba paré benen bi ci dess mom moy né fuko sen xel yi nango sax dañ nan xel mom mo baxul xam nga sharia bu ñëwé di dagaral dara di haramal dara dafa fekk né jëmmé dagaral gi ak jëmmé haramal gi haqiqatan amna xétu nat gu ci né et que haqiqatan nit ñi dañ ko da fa am tentation bu ci ne mais tay bo xolé par exemple bu jëlé goor jigen amna ben dekk bo xamantene ñom ñu ñu tuddé xawmu lut moy sadum ñoñu nga xamantene ñom daga na lool nañ ko peuple yeen ci Allah ñom jappon nañ ni loolu dafa bax mais cela ne veut pas dire que baxna manam cela ne veut pas dire que xel dana nangul lool nak djublu wuñ ci ne xel yépp koy nangu liñ ci djublu mom moy xel mu normal lool lañ ci djublu té buñu xolé yi nga xamantene mom la sharia di téré yépp xel mu normal day gis né li dañ ko wara téré parce que limi yaq tout temps ci ëlëk mom mo gëna manam da fay nek lo xamné dafa graw tay imaginer ndialo ñun jël exemple ndialo ñu né grawul dagan na légui nilay won ne xel mom moy mo ñëk taxaw ne affaire dafa grave premier bi moy lima la wax sank moy comme yent bi sallam waxon waji deuxième bi mom moy tay imaginer su fekkonté lool dafa am kon nit ñi dañuy juddu te kenn bu xam kan mo jur kan mu ñaar ñettel bi ci dess mom moy ne dañuy doonu yëfi nit ñi manam dañuy doonu alalu jamburi di xëccu di ci parce que lool moy gravité wu jalo bok na moy le fait que nit ki meuna nek ci bir keur gi magge fi di dumlé ci alalu jambour ko xamantene du bayam deug du bayam ci lu teyul bakanam ci lo xamné ci ak nax la ba paré waji bé muy xëccu ak ay domam alal ji nan dama wara am par sangal ñu diko jox lo xamantene mu mu manam yoyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamné yépp ay ngañ la indi et que day tax ba nit ni dootu ñu mëna xamati kan mo jur kan benen bi ci dess li lay won ne ndialo même ñu ñep xamnañ ni loolu baaxul moy febar yi mu fi indi té loolu yëpp manam ñep d'accord lañ ci yeneen yi ci dess nak moy yi nga xamantene yoy ñom ñu gëna graw moy nit ki bu ko dé def dina xamné mom digënté mak boromum ça ne va pas dina xamné mom digënté mak boromum affaire bi amna problème manam yoy yep soko bolé da ngay gis ni am xel na am am xel kay dak nako complètement waye nak xel mu normal lañuy wax waxu du xel mu normalul parce que dafa am lu am solo gisoon nañ ko ci masala fiqi ci bir bañ doon wax sax ci affaireu xawma ci lan lañ doon waxati bi pass sax le waxon nga ko moy ñi di lek yap mbampu par exemple ñi di lek yap mbampu dañuy faral di am jikko yo xamantene jikko mbampu la lu demé nek ñak fiir par exemple ñak fiir naturelul ci nit mais par exemple ki di lek yap mbampu du fiir amul du fiir ba bari amul lu muy bañ ndax mbam xoux amul lu muy bañ ci limi nek tay do domam day juddou ligi rek manam bu dom ji dawul dugul daw dakoy nek te lolou yep day tektelene manam te lolou nit ku normal du ko def manam nit dafa am tamit yo xamne dafa normal kérok ma demb bi ma ngi sétane ben documentaire bo xamantene dañuy wone robot yi manam legui nit ñi nga xamantene non lañu avancer et que non lañu wara commencer nak légui di bok ci guerre man robot yi niñu bokké ci guerre et que ñu gis né robot yi mën nañ dem sax ba remplacer nit ñi ci xex mais problème bi nga xamné mom lañ ci d'ailleurs motax même armée américaine nanguñ développer lolu nanguñ développer situation bi ba mel non ak yeen robot yi nanguñ ko défar parce que dañuy ragal né suñ ko défaré problème de ci djuddou moy lan moy par exemple dañuy dem parce que décision ki warna dé wala warta dé nit ki mën nako djël manam bu jakarlo yor pistolam jakarlo nit ki mais robot bi du djël décision bobu robot bi bu jakarlo nit ki ma dama nit ki ñi ngi ci kanam won da koy door mu dé venen bi ci dess mom moy ni le fait que robot bi du mën djël du mëna manam bu robot yi remplacer nit ñi imaginer nak légui non yi non yu récupéré ko tourner wat ko manam pour muy xex ak ñoon ba paré ni muy mëna yak ak ñu buñ ko proliférer manam de telle sorte que day bari après ñu nekk ñu défar ci ay milliers wala des millions d'exemples bayi len ci nature bi mais nit mu lo moy aduna bi tukina et cetera donc lolu nonu yoyu yeb manam moy woné man lima ci djublu moy dafa am limite wu nit manam nit dafa am lo xamantene am xelam day mané yegg fenn maintenant su démé ba xelam mënta ag fofu manam mënatu la téyé lool mom moy aduna bi day yaq té lool non bép société bo xamantene dañu nangu imagine né bokku na ci cas yi du bokku na ci li gëna indi li tax tay fi mu toll société occidentale yépp ñom la dal problème bobu société occidentale yépp la concerné and ak né sen démographie mo gënon kawé ci démographie yépp mo gënon reuy donc par conséquent sen économie mo gëna mag aussi vu que sen démographie mo gëna mag mais tay imaginez légui ñom ñepp ñi jaxlé nan lañuy def ba sen démographie renouvellement de génération bi mëna am lutax parce que dañu dindi mariage dañ ko woyofal doye dal ko et que ñu permettre affaireu goor jigen ni muy tassaro ñaar yoy nak buñu dajaloé day daldi indi bes démographique par conséquence politique yoy par conséquence doxale ñoy moy wa parce que obligé parce que ñaar ñi nga xamantene engagé wuñu ñom nanguwuñu and fa bañi dé parce que les wour japp nañ ni wour nanguwuñu and ba bañi dé ñoñu dañuy calculer ni ñi juré duñu jur koku doñu wala buñu juré da fay voilà ki day limité ki nga xamantene goor jigen la mom du jur voilà buñu bolé lool mais c'est normal que démographie bi wad et cetera manam yoy mo lay wone yoy yep mo lay wone xel mi dana nangune ha sharia kat li mu wax deug la mais problème bi moy xel mu normal mo koy nangou xel mu nak mën na baña normal manam nit ki am alal taxout xel mi normal nit ki waw nit ki am métier bu mu maîtriser am métier bu mu maîtriser taxout xel mi normal voilà parce que batay ci monde matériel bi la né voilà mais xel mu normal da fay am ay analyse day gëna pousser day gëna yob motax ma joxe exemple ki bi parce que a premier vue soy xol lutax nangou ñu développer robot yi pour mëna gagner ay guerre ñu né non non non parce que pourtant buñ ko defone dañuy gawa gagner guerre mais ñu né non attention nak parce que il faut que ñu réfléchir aux conséquences. Voilà, est-ce que machine yi dañu wara remplacer nit ñi ak ci lepp dedet après ñu xol manam nga gis ne buñu waxé li tax nangu wuñ ko def ak day gis ni ki mi ngi xalat xel mi normal la en tout cas ba ci côté bobu ndax amna ñoo xamne bu doon ñoomal loolu yit buñ du leen di fekk dañuy défar robot yi rek sami leen ci nature bi voilà. Benen qaida bi nga xamni gisoon nañ ko mom moy biñu jundon sank rek mom moy al mashaqatu tadu taysir nga xamni ci suñu hadith bi mom moy manam rek yom yom yi nga xamni xoyofa yi nga xamni ñom ñoo ñew ci situation yi nga xamni da fay jafé ñu ci sobé mu basé wu ci règle bu mu am tam benen qaida buñu gisoon bo xamni dañ newon atay bal ba ci question bi nga wax ni ci affaireu ki ba tay conséquence bi manam ligi lañu changer loi bi par exemple pour que jigen pour que nit ki bu amé dom tek dom ji domou ndialo la ñu mëna jël tek ñu mëna xamné amna papa mais par exemple ba ay 2005 2006 lolu loi bi am permettre ko won émission bi Jean-Luc de la rue don def man sétan na ci ben ay xalé yo xamantene dañuy dem école mais sen ki amuñu manam touru papa amu ci han voilà touru papa amu ci parce que ba bobu moment bobu nonu loi française bi daf doon japp rek né dom li la enfant naturel lañ koy wax amul papa c'est à dire que touru yaay rek lay am et que xalé yi buñ leen doon poser question ñu leen di laaj yow mais yow ku sa papa dana amuma papa tout simplement. Mais juste pour dire que quand même quoi qu'on puisse dire ba paré tamit amna benen affaire bu am yakaruma kenn ku xellu nak te lolu ñepp ci yam dina geureum nek ci xal bo xamne dañ nan ko yow day ngeen bal ma ci xéetu waxen mi ñu ne ko yow day sa yaay manam ko xamne la won and nak diou teud nak mom fe legon nak keur diou bam nek ak mom do na genn ak mom fa dekkon nak mom nangami at and dem nak keur diou dekk nak mom nangami at kenn amul kenn ku ko geureum man xawma ci nit ñi kenn ko xamantene da na japp ne lolu xetu manam du ko jappe comme lu blessant manam lo xamne aw xetu saga la waxuma la dara mais sa yaay da nan baali rek kuñ ko wax fim tolu bo mo da la ko rendi rendi waji voilà waxu ba da na ay ha la ñu ala sam amin amin ngeureu kon benen qaida bi nga xamni tamit son nañ ko mom moy le fait que ñu neewon atay dañuy appliquer wu ci lo xamni lu fréquent la até buñuy teud dañ koy teureul ci lo xamni du fréquent la até yi la plupart du temps du traité lo xamni lu rare la wala bu féké ni lu rare la souvent dina am mën na am até bu spécifique mais até yi règle générale lañuy traité wa ñu néwon mom moy wa al hukmu lil ghalib wa nadiru wa nadiru al hukmu la wa légui après ñu duggone yakarna ci li nga xamni mom moy mantuq wa ñu neewon mantuq donc mom moy contraire mafhum wa mais lolou man nga ko frole non wala ko kon waaw kon leg dang koy traduire rek mantuq kon mom moy li nga xamni dañ ko wax mu leer alors que mafhum mom moy li nga xamni moy li ñi déggé ci wax bi legi ñu neewon dafa am lu ñu wax mantuqun sarihun sarih mantuq wa mantuqun sarih mom moy li nga xamni manam wax bu leer la comme biñ né yoni sallallahu alayhi wasallam dafa ni yalla subhanahu wa ta'ala wala ci alcorane ñu yalla subhanahu wa ta'ala daganal na njaay wante kharamal na riba kon bu boba kon bu boba dañuy nan wax joju manam man tu khun sarih la parce que dafa leer mom moy rek liñu wax rek mom lañ mën dégué ci kibi mu am luñuy wax man tu khun ghayru sarih mom moy li nga xamni man tu khla bo xamni dessena leer ñu joxe won ci exemple manam ki nga xamni wala bok dañ né ki ñu jural dom ji war nga ci mom ci kiko jural dom ji moy mu koy mu layle bi ngui koy layle moy manam mu dundal ko ak mu solal ko donc mu ne kon li nga xamni mom moy wa lolou mom moy li nga xamni mom moy wax bu leer mom moy mantu moy walu mantu sarif li nga xamni mom moy ghayru sarif bi mom moy kon li ñi dege ci wax bobu mom moy ne kon papa xale bi nga xamni mom la jural dom ji kon mom mo amé kilifté bi lolou waxuñu ko bamou leer mais lolou lañu dédir ci wax bi ñu dédir ci né kon askan bi tamit bayu xalé bi mom moko mom turu xalé bi mom moko wara joxé xalé bi tamit santam lay jël buñ joxé un exemple manam ci tukuleur yi déwé non d'ailleurs man amona ci ben ki bon ki la parenthèse rek mais amna ci ben xarit bo xam ba légui ñi am yi fi mom manam tour bi bi nek ci kéy tour bi ak sante bi do tout bi ko papa am jox sante bi ko bu sante papa comprend nga waji ali suja mo mo nek ci ay kay jox mais papa am farouk la ko tudé mu sante mbaliya mais do fekk ni jean ki la quoi comment ñëte ñom c'est une société qui est matriarcale donc du coup néna mo nijaay parce que dafa nek problème ci mom am ngi defal ay kay dama di ci mais ben nijaay moko déclarer ci walu yaayam ñu démé nak yox ko tour bi nga xam mom lako yaayam tour yi ak santu yaay donc tour ki fek officiellement ali soual du mais du tour bi ko papa am jox du tour bi ko mom boko laaje fi ton no tour farouk la wax mais ki dem ali mo ci nek dir ke rek lo xamni lu meuna nek donc si man tu rayu sare bi ñu néwon kon dafa am ñetti ka lu ñuy wax dilalatul ibtida mom moy kon bu boba manam sens bi nga xam dañ ko wara dégg ci wax bi dafa nekk ci propos yi ñu né kon bu boba il faut mu nekk lo xamni manam xel da koy meuna nangu wala aada mën ko nangu wala sharia nangu ko wala amon na ben 4e ki me xamatu wala té dama jox exemple yi après ñu fi quoi bu ñëk bi nga xamni xel mën nako nangu mom moy manam bi yoni sallallahu alayhi wasallam ne yëkëtil nañu sama xet jumté ak faté ak luñu ñen forcé sallallahu alayhi wasallam ñu néwon kon lolu ku manam wax bi mëna wër manam mënu ñu japp rek ni ci luñu joy ni manam bëpp xétu jumté lay doon quoi il faut mu nekk lo xamni effectivement dama aju ci manam ibadat bi manam bakkar bi wa bakkar bi manam bakkar bi la ñëk wa bakkar bi la ñëk wa effectivement il faut mu bakkar bi ko nekk lo xamni wa ci jumté la ci lo xamni manam da nga jum munoko tay ba pare mu nek lo xam dañ la ko yëkëti manam ci condition bobu non rek lañuy mëna déggé ni wala manam li mu wax manam moy né yeen tib sallallahu alayhi wasallam bimu né yëkëti nañ xéet bi manam ñett yi mu wax tektelewul né ñett yoyu mënta possible ci xéet bi am ko ko ci def lool tektelewul lool parce que la preuve moy nit ñi da leen di dal mais limi tektelé moy bakkar bi lool bi jur lolu manam lolu il faut que ñu lolu ñu mën ko ci natalé manam ñu sous entendre ko ci pour wax ji mëna jup voilà budé kon ci walu coutume non wala budé ci walu sharia wa ci budé ci walu sharia manam dañu nane julli taxawal julli kon du mëna nek luddul sous condition nit ki am japp voilà masala voilà donc am japp bi mu ko waxul tamit mom moy ni nga xam meun nañ ko déggé té mu nek rayu salih lo xamni desna lèr ci 3e bi nga xamni dama jot mako bind nak parce que jappuma lan la moy manam bi nga xamni yoni sallallahu alayhi wasallam dafa ni xara meun nañu sen yaayi ki yeen manam ni ci meuna déggé rek mom moy né manam sey gi spécifiquement mom lañuy wax mais du fekk dañu xara ma jotay yeek ci demel mu amone bi nak xamou mo tudde dama yakar ni ki wono waaw non si si mom la manam ci même groupe bi la d'accord waaw legi mo amone tamit ben 4e point bo xamne day dugg ci dedaratul ittida bo xamni ci walu coutume la mais bi dëkk na mo seen bi ci walu coutume xamatu mo lay dox man ci walu coutume lo xam ex parce que dox ex waaw moy comme par exemple buñ né na nga combiné yent yalla Moussa Sam na dul voilà na dul yaw ci voilà ci parce que dañ né nga xam nonu ñëw ci après mu daal né mu daal geul ci daal di xam manam li ñi xam moy né obligé manam limi tek moy bimu neeku nako door ci no door yaw manam ci digënté bi xar na fi manam door nako pour geul ci doga xat manam dur le sam fait que mu neeku dooral yaw ci geej gi rek geej gi xar manam am na lu jaar ci digënté bi manam moy ne dafa exécuté wu wa parce que bobu dañ na wax bi nim ñewé wala mais daf ko ne ñu dañ ko ne mu door yabi ñu ubéku wala mais précisément waxu ñu clair ni door na wala mais effectivement dañuy dégg ni door na yabi wala wala si lolu wala motax ma lo doon wax nga résumer ki bi parce que en fait so duggé ci détail bi après il faut que mu laaj explication ñu gëna ki wa kon legui deuxième ki bi point bi nga xam momo nek ci mantou khairu sarih mom moy luñu wax dilalatul imam ñu jëlone tamit fi ni waaw fi manam dilalatul imam mom moy li nga xam ni sens bi manam dafa nek ci wax bi mais expression bi mënul exister mom kessé rek non tout seul c'est à dire il faut mu am ki nakala ko ki parce que xal mo jël exemple parce que du ki buñ jëlé exemple mom dañ jëlone exemple manam ñi nga xamni liñ wax ci affaire bi afan wax fornicateur bi ak fornicatrice bi lañ leen door sa coup c'est à dire que lolu non liñ ci manam sens bi dafa sens bi dafa nek ci manam acte bi wax mënu nek non nak mënu door sank mënu nek non rek mënu ci mënu voilà manam moy ne ngir jëmmi ndialo gi ndialo motax ñu war leen ko door voilà manam day continuer ci manam ça veut pas dire que ni par exemple fuñu gisé ku mësa ndialo rek dañuy dem door ko sanku parce que mësa ndialo deureu manam dañ koy door sanku ngir ne jëm manam dafa def li tax ñu japp manam li tax mu def ko manam mënu ñoo juger ni acte ko ci benn mbir mo xamantene passé wul alerte manam defut li tax ñu war ko mëna def voilà manam ci ay accusé ci manam ngir jëm mbir mom te buñ ko xasse ba pini ci lool buñ ko pini wat ngir lool une deuxième fois wa légui troisième bi nga xam mom mo nek ci man tu payu sare mom moy luñu wax dilalatul ishara moy manam acte bi du intention première wax bi mais moy liñ wax rek faire allusion à ñu koy woyé tam tanbihul kitab waaw ñu joxone exemple ci liñ waxone ci conception ñu né manam digënté conception bi ba xalé bi fimuy féré ñu ko nat ci 30 mois 2 ans et demi nampal bi ñu nat ko ci 24 mois voilà kon li ci mëna xam mom moy né en fait li mëna ñu ko ëmb 6 mois voilà déduction la wala allusion la voilà mais lool mom mo jëf ci won wax voilà lool la manam ñaar ay dañu ñu ben ay bi ne wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra digeunte biñu ëmbé nit ki ak biñ koy féral day def 30 mois am benen ay bu ñew ne ñaar at yu mat hawlayn kamilen li man yuri do xane timar radaa manam ñaari at yu mat mom moy li nga xamantene moy ku bëgg dem ba matal manam ag ci plafond wu nampal ñaari at yu mat la ce qui fait que kon muy 24 mois kon ci lañuy xamé ni bu fekkante ne ci digënté manam loolu alquran wax ko ci anam gu leer mais ci texte yi ñaar texte yi suñu leen bolé ci lañuy comprendre loolu manam moy wax ji lañ ko déggé mais wax jo xamantena la manam daf ko junjou donte wax ko wax ju leer ba paré lool nekkulun objectif bi ko alcorane di wax manam bi muy wax aya b leena ci djublu won bi muy wax aya b leena ci djublu waye buñu len bolé dañ ci xam li dañ ci xamé li moy dilalatu ishara wa kon li légi kon dañu mëna dugg ci li nga xamni mom moy al istiraku fi lafz moy li nga xamni istiraku wa lafzul istiraku wa légi fofu dañ néwon manam day am lo xamni mom lañuy wax pour ou moy li nga xamni manam wa exemple la ci wa exemple ci day mëna tekki ben mbir wa ak contraire ñu lu donc lo xamni luñu wara xam la parce que source de mom manam fofu leppale wouté di jogé manam mo bi dañ koy xam borom xam xam yépp dégo ci mo bi ni sansu mo bi mais sans yi nga xam mom lu mo bi di porté mom moy source wouté bi ñu néwon lu melni par exemple qur'u day mëna tékki règle wala tam day mëna tékki lap ñu ñoon exemple tamit jalal nga xam né day mëna tékki lu mag jalal wala jalal wa wa jalal kon day mëna tékki day mëna tek jalal mom ben jalal mom moy lastay tek xalat nako nak biñ ko mawulun bind mi day mëna tek lu mag wala lu tuti ñu jëlon benen exemple tamit moy manam shafaq ñu ne mom moy lueur yi nga xamni mom moy am bu manam bu timis bi di jeex geen dugg ci wala ñu ne kon dafa am yu xonk ak yu weex mais manam heureu geewé niñ koy xamé wax bi di ñëwé shafaq rek la wax wala donc ni dañ koy interpréter ni mom moy yu wex wala yu xonki voilà mais voilà mais la source de qui de quoi ñu né kon tamit toujours ci manam fait exemple yi bi nga xamni mom moñu concerner directement mom moy ci suñu hadith bi bi jëlé exemple wis yurasu wa yurasu min bawli yursalu min bawli jariya yurasu min bawli wala manam yurasu wis bi ni dañ japp ni manam moy wis ni rek toy ni japp ni moy lo xam dañ ko wara toyal bu mën ko wagn mais mo bi ci bopam d'accord nañ ci ñu jëlon tamit exemple lu melni shamsu nga xam ni day mëna tekki étoile wala astre bi waye tam day mëna tekki rayon étoile bi ci bopam jëlon tamit exemple wa exemple yu bëgg lañu joon lu melni ila ñu né mënon na tek jusqu'à avec wala souf mais en tout cas day préciser intervalle mais ni mi préciser intervalle bi leg day nek luñ koy wowe day nek manam borne bi daf ci bok wala mu ci genn mais buñ né par exemple jusqu'à 10 est-ce que 10 ci bokum ci la bok wala bok ci yépp day de précision yoy non ñu jëlone exemple tamit min nga xamni baat bi dafa ñew ci hadith bi tay jotone nañ ko tamit détail pour bañu guddal ak manam aynu nga xamni néwon nañ mëna tékki source wala entité wala mëna tékki tamit or wala khalis fi nak li ñi préciser peut-être mom moy al-ishtiraq fi ibara nga xamni moy manam ishtiraq dafa nek ci expression bi voilà ñu jëlone exemple di ñu wax ki nga xamni la dibi yo di wax da tun nikah wa mom mo meuna may sey bi mom meuna mom la sey bi nek ci loxom mom la sey bi nek ci loxom wa mom la sey nek ci loxom moy ku wër wa day tekki jëkkeer ji day meuna tekki jëkkeer ji di meuna tekki wajuru ndaw wala kilifa ndaw ki way may wa ki koy may wa tuteur bi manam fek maye guñ ko ki sey bi nek ci loxom moy tuteur bi han fek maye guñ ko waye buñ ko xese ba maye ki sey bi nek ci loxom moy jëkkeer bi jëlun nañ tam exemple ki manam bu fekke ni dañ wax kenn man ta tass suyu jambu lolu amul yaakaar na len ci ga bokk gaay wala matti dinañ ko ko ni gaay dem dajale dindi amna motax nak amna ci ñen ñoo xam dañuy ragal dugg ci yeen ni parce que ñom buñ duggé rek c'est fini di wal len dudd du yom li kon ñu waxon tamit manam ci li nga xam ni toujours rek ci exemple yi mom moy par exemple comme ni ñu wax ci gënne bi buñ né tay gënne la tassel mën nañ déggé ni manam gaynde animal bi la wala mën nañ déggé manam ko jambaré kon bu nekké dañ né dañuy nane bu nekké dafa nek ci phrase affirmative dañuy nane kon mën na porter ñaari sens mais bu nekké ci phrase négative comme par exemple bu né wa wa mo mé nekké ci phrase négative mën na porter ñaari sens wa bu nekké ci phrase négative mën na porter ñaari sens comme wa bo né won tay gaynde la tassel non bu boba mom dañu japp ni gaynde bob affirmative le mot affirmative bob ben sens la manam ben sens la manam mais boudé phrase bi nek ki la forme bi négative la ñaar sens la manam wa wa effectivement moy bi ñé joxe exemple ni par exemple ndawal bi buñ ko jox gaynde bi wa mën na nek gaynde gaynde comme mën na nek manam ku ñambaat wa wa alors que bu féké dañ né tay gaynde la dajé wa mu nek moodu ba paré nekale en même temps gaynde animal wa da donc lool mom moy lool dal mom moy li nga xamné par exemple buñ né gaynde du daw gaynde du daw lim meun nañ ci djublu manam dañ ci djublu parce que comme phrase négative la dañ ci djublu gaynde yi nga xamantene voilà wala ki dé du wala ki du gaynde wala lool dé du gaynde manam hein voilà meun na nek né gaynde bi ci all bi lañuy wax wala gaynde gi ci wala nit ki nga xamne jambar la ñu nan ko gaynde hein voilà mais tay buma né tay par exemple ki ma tassel wala buma né tay tassena ak gaynde phrase affirmative la manam ce qui veut dire que ni mënul yor ñaari sens alors que beul mënul na yor ñaari sens yépp mais bi mom buma né tay gaynde la tassel ça veut dire que soit animal bi la tassel wala nit ki jambaré la tassel manam mais mënul nek né buma ñëwé né tay dé gaynde la tassel mënul nek né ki ma tassel en même temps animal la en même temps nit la mënul voilà wali benen ki bi benen différence bi ñu indi won rek mom moy kon ñu xamé li nga xam mo ngay wax majaz moy sans figurer et melni lu xawa djégé israfil ibara voilà et té dugo exemple isa yakana ci mom mo lañ joxé won gayné yi ni wa gayné manam parce que ak haqiqa ak majaz manam sens propre ak sens figurer mom lañ wax mënul ñu dajé ci phrase affirmative ci ben bat mënul ñu dajé mais sens propre ak sens figurer mën nañu dajé ci ben phrase négative ci ben mot bi voilà ñu won nak pour jéxal bu fekkenté ni par exemple ñaari sens dañu mëna dajé des fois ni mi ñué comme par exemple bu fekké ndako ñu ci alcorane ñaari sens mëna dajé légui dañ koy firé ñaari sens voilà kon lool dal mom moy li nga xamné suma jumulé man lool la jottone du non amon na benen ci bu mujju ni moy affaireu ndigal manam forme affirmative manam phrase bo xamantene niñ ko construire moy phrase affirmative la mais mu yor sensu han mom lañu tuddé al khabar bi ma'na al insha manam khabar bi ma'na al amru comme ni manam buma né par exemple comme fi ni yentibi sallalahu alayhi wasallam bimu né dañuy rahas budé xalé bu jigen la bu tour ndox dañ koy rahas waye budé xalé bu goor la bu tour ndox dañ koy wiss manam da ngay gis né sens bimu yor moy sensu lan manam phrase affirmative la mais sens bimu yor moy sensu ordre manam phrase manam impératif la yor sens bobu la yor manam tay té lolu mom moy comme tay par exemple buñ né keur gi dé ku fi dugg da ngay julli keur gi mom wala ku fi dëkk da ngay julli par exemple lolu wax la jo xamantene affirmative ki la manam information la mais information bu am sensu ndigal la voilà comme tay par exemple bu ñé fi day tukh amu fi fi tukh amu fi manam cela veut dire que voilà manam limi tékki moy bu fi kenn tukh lool lay wax voilà té lool nonu façon information bobu mom mo upp doolé nga utiliser won mot bi comme phrase affirmative moy upp doolé parce que limi tékki day tékki ñaari mbir day tékki né non seulement dañ la wax dañ la jox dañ la jox ordre bi mais dañ la jox information bu lay wone ordre bobu mënu ko baña def manam tay bu meune fi day tukh amu fi limi tekki moy bu fi tukh moy ben mais aussi que amulo no mara jaar ba tukh manam en même temps ñaar yépp ño dajé ci batu fi mom du xam comme voilà comme hadith bobu moy né al insha moy al khabaru bi mana al insha manam contraire bi dama tay am lay ñu wax la dara fek information bi lañ ci djublu voilà moy kon fi biñu def différence bi am ci manam li nga xamne mom moy dif mom moy différence entre khabar ak insha dañ ñew manam khabar moy information lo xamne mën nañ wax ni deug la wala deug voilà alors que insha mom moy li nga xamne kenn mënul wax ndax bi deug wala deug voilà manam khabar buñ ko waxe moy bepp wax bo xamantene nit ki mën na ci tek baat bi li de deug la wala du deug comme tay par exemple buma ne manam buma joxe ben comme par exemple buma ne diw dem modou dem na dakaro information la bo xamne meun nañu wax ni deug la wala du deug alors que tay buma ne la may ma ndox meuno wax ni deug la wala du deug lol mom moy insha moy lo xamantene kenn meunu ci wax wala question yi tay buma ne la ndax par exemple ndax demone nga dakaro sang wala ndax demone nga place sangam manam mëno taxaw nan deug la wala du deug manam li ngay tontu mom moy demone na wala demu mom wala manam bëpp baat bo xamantene amna manam am mënef na ci wax deug lool du deug lool lañu wax xabar benen baat bu mëna doon bo xamantene mënefu ci wax baat deug la wala du deug lool lañu wax insha leug nak mom lañu wax leug nak alquran wala hadith yi nusa sallam ñu utiliser ben information fek information bi sens bu am moy digle wala téré comme fi ni def na wiss boudé xalé bu jigen bu xalé bu goor mo tour nok dañ koy wiss boudé xalé bu jigen dañ koy raxas kon lool da ngay gis né information la mais bu am sansu ndigal manam moy bu xalé bu jigen touré ndox raxas len ko bu xalé bu goor touré ndox wiss len ko manam li fek commencé gul lek wala bok fek yamagul ci lan ci limi lek kessé voilà manam boudé lay nam té namp gi manam munu indépendant ci namp gi manam munu ko di jox muy lek mom rek manam fek lolu ñu ngi nek gul agul ci étape bu mu dépassé lolu par exemple nga xamné bu agné rek baxna mën na baña nambati wala mën na tok ba ngon du gis yaay wala yu mel non lolu bu woba bu xese ba yegg fofu nak lolu dugutul ci att bi mais bu ci yeggé di la dugg ci att bi boba dañ koy budé goor la dañ koy wiss kessé wala bok en tout cas dañ koy raxax bu ko def lolu mom moy atté voilà walou dafa melni mom moy yi nga xamni wala alhamdoulillah mañ jappon ci ci bi wala alhamdoulillah mom rek pour du teuj comme hadith manam da fay jangale ci li nga xamni mom moy samantek lab samantek set ak wayfal yi nga xamni indi nako ak lu aju ci walu djegalé mais tamit daf ñuy xamal ni tamit manam dañ wara samantek respecter xalé yi parce que manam tout ndox ki ni mi intervenir man rejeté wul len mais dañ len traité ak ci ñu ci jàngé tamit lepp lo xamni manam doxalin la comportement bu rafet di ci jàngalé manam rek xétu jàngal yi nga xam mom moy nek situation courant de la vie ak masala koy xal donc lool dal mom moy li nga xamni voilà mom lañ doon indi ci résumé hadith bi alhamdoulillah ñaan yalla donc nangul ñu jazakumullah jéggul ci mbolem baat yi nga xamni yaq nañ ko ñaan suñu borom ñu ngi sañu bo le jëm bi te yaq leer bu inshallah alhamdoulillah jazakumullah khara ko fara ko wara ko Il y a un continent, bu fekkentene day arrêté parce que ñaari situation mo tam situation bu ñëk bi moy né bu julli joté bala heure julli bi di jeex dina am benn moment bu dérèj di arrêté bu boba daf koy daldi raxas dem julli mais koku nonu lolu dootul yakati ñiapam manam dérèj doju di génné ci mom dootul yakati ñiapam parce que comme que da fay guen presque ci mom tout temps ci côté wu fébar lolu mom dañ ko koy djegal légui nimi def rek moy day def su njap su ki su heureu djulli joté mu raxas ko mu raxas dret ji dem djulli ji raxas gi tamit nekul lo xamantene luñ koy faratal ci mom la mais côté bi nga xamantene mom lañ koy wax moy né su dañuy sopp ci mom mu raxas ko djapp meuna djulli su fekkentene à chaque fois légui nak né day wéssu djulli gi yépp nak bu boba lool sax dootu ñuko waxati dootu ñuko wax sax ni sopp nañ ngay dem raxaso djéek raña ak djéek yoy dootu ñuko waxati dañ nan ko rek tout simplement yow bul considérer ci lool yi sal djulli joxe rek ñu djulli voilà même les considérer vraiment de notre tête de femme et de carré voilà exactement voilà exactement pour le pansement là waouh la raison de la dernière là c'est dans ce que les maléfiques ils ont dit là c'est dans les 14 le fait que ouais c'est ça la dalil ouais non non le dalil non différentiel entre, il faut que nous différencier entre acte et dalil le jugement c'est-à-dire le verdict et le dalil ñom ñaar dañoo différent ah verdict bi nga don wax ah d'accord donc et la deuxième question c'était souvent on a dit dans la fête on a dit maléfique on n'a pas dit lequel on pourrait ah d'accord manam le plus recevable plutôt. Non, en fait, il faut voir. Lolo, c'est un point bon à maintenir. En fait, peut-être qu'il fallait le dire. Madame Mouéné, à chaque fois, que question est demain, nous, Denis, Diaporek, les gens de mon moyen, souvent, Mazab Malikibi. Jusqu'à ce que, vous faites qu'il y a un peu de temps, que les linguistes sont les plus importants, ils vont expliquer, ils vont dire. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est que, la question est que, si vous regardez, il n'y a pas de différence. En fait, il n'y a pas de différence. À part peut-être, si vous regardez les Khalafiyé, Rahmanullah, et les gens qui sont là. Par exemple, élargir, comme nous avons Khalafiyé élargiré, peut-être que cela, c'est que, madame, c'est que, c'est que, mais, li gëna ki mom moy comme rek li maliki wax rahmatullah bo xolé sen 14 mbir yëpp day wërwërlo autour de mbir mi su fekkante ne dafa nakaré mo ci liko bo xolé lepp ci loolu lay wërwërlo et que mu nekk lo xamantene nit ki manam daf ko dal parce que manuko manam ci umumul balwa la dugg manam moy lo xamne nit ki manuko moy ci liko parce que dafa nak daf koy dalé wa par exemple bu fekkentene mbir mi day dugg ci lo xamantene amumul balwa la manam da fay faral di dal nit ñi bu boba lolu so xolé côté 14 yëpp ci lay dugg comme par exemple ki di nampal comme par exemple ki nga xamantene day liggéey ci fo xamantene par exemple boucher la wala muy opérer wala muy liggéey ci ay force ak yu mel non bo xolé yoy yëpp moy né di moy te ndiku lu mel ni dafa jafé ci mom ci cadre bobu rek la dugg lool nak mom mo am ci bo xolé ci cadre yoy yep bo xalé ci côté bobu la dug ci bir loolu ñom ñep da naka da ngay gis na li ci côté bobu a part xamé fi rahmatullah alayhi manam bo xolé ñom ñoo bokku ci li ñu dug moy lu nakare mo ci diko jafé et que xat bi mo indi sharia indi yombal gi manam ci gattal pour teunk atté bobu moy lepp lo xamantene dafa nara nek xat ci yow nek nara nek choono ci yow ci buntu la ndax sobe bi dal na la wala deet lat na wala yoy bu boba sharia day woyfal atté bi manam pour indi pour teunk mbir mi lool la sobe bi nga xamantene mo la dal ba bari sax dinañ ci ñew inshallah mais dindi sobe ndax farata la wala du farata ba ci manam par exemple borom xow bi dañ ci wut rahmatullah surtout fuqahaa maliki manam fuqahaa maliki rahmatullah ñom ñep d'accorduñ ci ne man dañu xajalo xat 22 mili genwa ñen ñi dañu ne dindi sobe farata la ñi ci dess ne deedet du farata mais sunna la sunna rek la te kenn ku ci nek indi na ay argument d'ailleurs lool bok na ci masala yi gëna taxaré téxlé parce que kenn ku ci nek ay dalilu deugër ngeen bi ci buntu ndax fa ndax dimbi sobe rek ci jëmmi bopum farax la wala du farax mais ala kulli hal min ci djublu won rek moy né moy né bu fekkante né sax dañuy japp né farata la nañ ko jappé comme étant mais ñu manam ñu xamné lepp lo xamantene dafa dugg ci buntu khat khat ci buntu jafé jafé ci buntu nakaré dindi ci buntu bo xolé 14 yi dañ ko lim nonu mais bo xolé liste bi dañ ko lim solo ben époque donné ben ki manam ben ay circonstances donné mais du liste bo xamné dafa exhaustif vu que amna yo xamantene mën na len dal mën na dal nit ki te bu boba day du gatt ci cadre mo bonegi te amna benen mbir bo xamantene nagn ko comprendre ci dindi sobe mbolam ñi wax ne dañ koy dindi farata la dañ ko tek ci nem bu fekente ne man nañu ko ba pare man nañu ko ba pare waxtu wi du genn ba pare faté wuñu ko manam tay bu fekkene da sobe dafa dal sama yere mais ma faté ko ba julli ba pare sobe bobu dindiko ci manam obligé mo ma dindiko dogo julli su fekkene ne sobe dafa dal sama yere mais awma dara lu mu ko dindé damay julli nonu par exemple budé ci sama kaw yere bi la dindi ma sol sous-vêtement ci bir bu baba damay dindi yere bi tek ne julli bude amu lu mako dindé mais soulé am bude buma dindé sous vêtement duma meuna julli sama awra day feñ bu boba dama koy sol dindé nok ak mom non manam parce que manuma ko dindé bi ci waxna fateliku gi manuma ko dindé bi ci dess nak mom moy waxtu wi di genn waxtu julli bi di genn tamit munuma ko dindé buma ko démé diko dindi sama julli manam duma julli bu boba damay dama koy julli wala manam yoy yep ay cas de figure la yo xam tane yoy yep ñu mata baye xel la ci walu sobe bé bu fekké da nga fatali ko ni wax da waxtu waxtaru dara waru la ci preuve bi moy yannabi sallalahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom la julé manam mom la doon julé sahaba yi radhiyallahu anhum dafa taxaw di julli jekki simmi dal li parce que ñom ci nek ci juma ji di julli jekki simmi dal li bimu simmi dal li sahaba yi radhiyallahu anhum ñep ñu simmi seen ay dal bimu paré mu tourner ne xol gis na sahaba yi dañ simmi seen ay dal mu laaj len lan motax ngeen simmi seen dal ñu ne ko dañ la gis yow nga simmi seen dal yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ne bo len day julle ci jaru ko parce que man sayyidina jibril alayhi assalam moma wax ne ma sama dal yi dafa taxone sobe motax ma dindiko mais ku kuy ñew ci jakké bi wala kuy julli su fekkene na dal yi dafa tax sobe nako xoss rek ci souf ci dina dindi sobe bobu bu boba mën na julli ak ay dalam non amul ben problème légui lolu limi tektale moy lan moy le fait que sobe bi mi ngi won ci dal yi le fait que yentibi sallalahu alayhi wasallam dindi ko fekk mi ngi won ci bir julli gi moy woné ni amna ben parti ci bir julli gi bo xamantene julli nako fekk dal yi mi ngi and ak sobe bi té bu boba limi tekki mom moy té ben parti ci julli bi bu fekkonté né sobe bi daf koy yak kon julli gi yépp yak té comme que nak lolu démé na non té yentibi sallalahu alayhi wasallam fayatuko moy woné ni bo xamul né amna sobe bo julle te do reprendre manam moy ne do reprendre c'est à dire do reprendre ci lounou exiger voilà motax fuqaha maliki rahmatullah dañ rek dañ lay sopp nga julli wat mais du exigeant voilà Allahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi est-ce que voilà nit yore auto ñu ne ko par exemple ñu xamné animo yi échappé lañu masal ay mbam wala ay xaj faay na la kay transporter walen point A vers un point B. Hmm. Vous devez transporter là, ou le dernier. Mais n'y a sauvé. Animal. Animal. Ban animal. Bah, non, mais sauvé. Ah, d'accord. Non, mais sauvé. Manam, bip animal, boui d'un sauvé. Manam, si vous sauvé, horrimat alaykumul maytat. Motax nga xor nit di lañ haramal ci yeen. Manam ni mid moy sobe manam limi tek moy mid gi moy indi nek gi mi nek sobe boba lim ci dege moy moment bi mi dundu du sobe wala mbam xuf le borom xam xam yi manam fuqa maliki yi wuti ci ne sobel walu sobel xet tamit shafi'i hanabilah rahmatullah ñu wax nañ ne sobel mais limu bëgg wax moy bu dé ci fuqa maliki te lool gisoon nañ ko dañ lool inshallah moy li gëna dëgg moy ne xat mom du sobel mbam xuf fuqa maliki rahmatullah wuti nañ ci ne sobel wala du sobel te ñu bari ci ñom dañ ni bi dundu du sobel mais même buñu jappé ni mbam xuf sobel sax manam lolou batay du dugg ci manam mom jëmum man wax na la na sank ne la sobe boudé dafa wow du transféré benen ki maintenant nak problème bi am fofu moy boudé mbam xoux la haram gi mi haram ni diko jëfëndiko yu mel non fofu la problème bi di nekk manam fofu la problème bi di nekk bu boba lolou mo koy haram na mais du jëmmi sobe bi wala du jëmmi solo wala sallallahu wa sallam man wala daga admay subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin lolu ci sobe bi la mais par exemple japp bi ak sangu sen bokku ci manam tay par exemple nit ki su julle fek do faté woni dafa warona julle dafa warona japp wala dafa warona sangu sen mu julli ba paré day reprendre am julli bi wala day dem sangu wat wala mu japp wat dem julli